Vous voulez avoir accès au pre-show? Devenez Patreon. Le montant donné est à votre discrétion. Pour plus de détails, allez au patreon.com/rétro-nouveau. Rétro-nouveau. Hey! Salut tout le monde et bienvenue à ce 110e épisode de Rétro 10. Yeah. 110, c'est la musique lugubre qui commence. Ouais, on est rendu au 110e épisode quand même. Ça va bien les gars? Ça va très bien, très bien. D'ailleurs, je suis avec, à ma gauche, Jeff Cron, Fred Jimus, Nick Lachapelle. Et je suis Bruno Georget et ce soir... Votre Salas Dominique n'est toujours pas avec nous, mais il nous a écrit un mot pour que je puisse vous le lire parce qu'il tenait vraiment à être ici. Il m'écrit, ça vient de Papa Cassette, c'est écrit « From Papa Cassette », imagine. C'est écrit « Chers amis, je suis vraiment désolé de devoir rater un autre épisode de Rétro Nouveau. Ce soir, c'est le pique-nique staff annuel de Arcane Montréal et bien sûr, je me dois d'y être en tant que patron. » j'ai croisé plusieurs d'entre vous au courant de mes vacances chez Arcade Montréal, au parc ou ailleurs, et je tiens à vous remercier très sincèrement pour vos bons commentaires sur le podcast. Ça fait chaud au cœur. Je serai de retour au prochain show plus salace que jamais. Eh hey boy! J'ai très hâte car ça me manque beaucoup. À bientôt, Papa Cassette. À bientôt, Dominique. On s'ennuie beaucoup. On s'ennuie, toi. C'est vraiment... Il nous a pas oublié. Ouais. Non, il nous a pas oublié, finalement. Non. On est correct. On est safe. C'est pas comme si on ne parlait jamais, tu sais. Ça donne l'impression qu'on n'y a pas parlé depuis des lunes. Non, mais c'est ça. Fait que Dom va être de retour avec nous très bientôt. Puis c'est vraiment des empêchements professionnels. Yep. Et puis, je voulais vous annoncer... le prochain épisode de Rétro Nouveau, on n'a même pas commencé celui-là, puis je vous annonce le prochain. Mais le 111e épisode de Rétro Nouveau sera un spécial entièrement Nintendo. Correct. Fait que ça va être le 21 août. Ça va être un épisode très spécial puisqu'on va parler de la 3DS. Ça va être un épisode qui va être entièrement consacré à la 3DS. Et c'est un spécial qui est présenté par Nintendo. Donc, on va avoir des prix aussi à faire tirer. Yeah, ça c'est fait bien. Que restez à l'écoute et restez à l'affût de notre Facebook puisqu'on va faire tirer des prix avant le show et pendant le show. Donc, c'est ça. Répète la date, Bruno. La date, c'est le 21 août. Parce que là, on revient, mais on va devoir sauter deux semaines pour tomber sur cette date-là. Mais après ça, on va en faire deux en deux semaines pour revenir dans notre horaire régulier. Ouais. Donc, vous perdrez rien. C'est ça, exactement. Vous allez être rempli de prix, en plus. Oui. Ouais, des cadeaux. C'est ça, c'est parce que la prochaine, dans les prochaines semaines, c'est moi qui est en vacances. Donc, je ne pouvais pas être à Montréal pour l'épisode. Mais c'est ça. Le 21 août, ça va être le lundi 21 août, épisode 100% Nintendo. On a super hâte de faire ça. On vous prépare du très bon contenu. Et puis, après ça, on va revenir la semaine suivante, comme JF dit, puis on va revenir par la suite avec l'horaire habituel de Rétro Nouveau. Aux deux semaines. Aux deux semaines. Donc, pour commencer ça, Fred, l'or gris l'or continue gris. Toujours. Ben oui. Hey, je pense qu'on va mettre la toune d'Indiana Jones en 8 bits là-dessus. On l'avait pris l'autre fois par défaut, mais on pourrait... Là. Ben ouais, écoute, c'est pas grave. Hey, l'or gris. Hey, l'été, c'est le fun pour les vacances, mais les vacances pour l'or gris, c'est jamais ben ben bon. Fait que, on est pas mal rendu dans ce qu'on appelle le temps mort de l'or gris. Tout le monde avec les vacances de la construction, le chalet, les voyages en Gaspésie, ça fait en sorte que la grise se cache. Puis en plus, c'est... Mon petit Joe que j'avais perdu. Ah, passe-moi là, faut que je le voie de plus proche. Il était pas en audio, mais j'ai toujours la petite photo de mon petit Joe. Il était bien au chaud ici. Que j'avais perdu. Ben, tu sais, on a des vacances. Fait que là, on n'est pas timé. Fait qu'on peut pas chasser ensemble. Fait que c'est pas. C'est un peu tristounet. Fait que, bref, ces temps-ci, il faut pas mal chercher fort pour travailler et trouver des choses. Puis, en fin de semaine, j'ai eu un malheureux, malheureux moment qui arrive souvent. C'est. Je suis retourné fouiller dans mes restants. Donc, en gros, tu sais, je me suis levé samedi matin, puis là, j'ai contacté des gens, puis une vente de garage qui me répond, tu sais, ouais, oui, j'ai ça, des jeux vidéo, puis là, j'étais comme, ok, ça, c'est mon main target, ouais, il y en a pas beaucoup, fait que là, tu y vas de bonne heure. Là, tu sais, je m'enligne avec Siri, puis ses indications très professionnelles, puis en arrivant là-bas, je regarde la maison, puis je suis comme, ça me dit de quoi, ça? Ça me dit quelque chose, puis là, en arrivant là, tu sais, je demande à la madame, tu sais, est-ce que ça, des jeux vidéo, on s'est discuté, ah, oui, j'ai rien. Puis là, je la vois arriver avec la même boîte que l'année passée. Parce que ceux qui sont en audio manquent une belle... la plus-value de Twitch. Fait que bref, fait que là, la madame arrive, puis je vois la boîte, c'est la même boîte que l'année passée. Non seulement c'est la même boîte que l'année passée, mais c'était les mêmes jeux que l'année passée. Ouais. Soit les jeux que j'avais laissés là l'année passée. J'allais fouiller dans les restants de mes restants. Mais est-ce que c'était encore les mêmes prix que l'année passée? Oui. Ou le... Ah ouais, c'était pas... des beaux jeux de Wii puis de sport. Fait que là, j'étais quand même bon. Fait que c'est à peu près ça les ventes de garage ces temps-ci. Fait que c'est un peu triste. D'ailleurs, la seule affaire de fun qui est arrivée, c'est que l'autre fois, je faisais des ventes de garage, puis dans un espèce de bloc appartement un peu weird, il y avait quelqu'un qui avait un aquarium dans sa fenêtre, tu sais. Dans sa fenêtre de sous-sol, tu sais. Je trouvais ça comme le fun, tu sais. Il fait chaud, les poissons sont au soleil. Sauf qu'en regardant, tu sais, je me rapproche, je me rends compte que c'est pas des poissons, c'est une grosse tarentule. Ah! Il y a quelqu'un qui a décidé de vraiment être désagréable avec ses voisins puis de mettre sa tarentule dans sa fenêtre en plein soleil. Moi, je trouve ça absolument... Mais peut-être que, genre, il n'y avait pas un moyen d'acheter une lampe chauffante. C'est juste... Ouais. Écoute, on va faire ça vite. T'as pas l'air climatisé, t'as au moins le soleil. Ouais. Mais c'est quand même pas parce que, bon, c'est la période creuse que ça veut dire qu'on a rien. Okay. J'ai été quand même chanceux sur Kijiji. Tu sais, tout le monde Kijiji, on essaie d'éviter ça comme la peste et tout, mais... Moi, j'aimerais ça que tu dises justement pourquoi vous essayez d'éviter ça comme la peste. Parce que généralement, quand il y a quelque chose qui est intéressant, t'es sûr que la personne va se faire bombarder. Ouais. Ah, c'est ça. 1000 offres, les gens vont sortir. Elle va être plus réticente, j'imagine, à donner un bon deal. C'est ça, mais c'est des fois, ça t'arrive d'arriver sur place puis te faire dire « Ah non, finalement, il y a quelqu'un qui m'offre le double. » Fait que, en tout cas, fait que c'est assez désagréable. Puis cette fois-ci, par contre, j'étais super content. J'ai spoté... un petit lot de Sega Genesis avec un jeu vraiment intéressant dedans, Elemental Masters, qui est malheureusement le jeu que tous les autres fans de Genesis voulaient. On a une petite pensée pour Baruch ici. Mais tu sais, finalement, j'ai réussi à avoir le lot à un très bon prix. D'ailleurs, j'ai même laissé moi, j'ai pogné un des restants. Ben oui, la console elle-même. La Sega, parce que j'étais comme... Et belle. Pas besoin d'une autre Sega. Puis finalement, anecdote, tu sais, la dame, elle me l'a gardé. Ça, c'est vraiment gentil. Ça arrive vraiment rarement. Puis j'ai appris, en présentant ça aux amis, que finalement, c'était Cédric, notre autre Retro Warrior avec nous, qui était en deuxième position pour le lot. Fait quand j'ai montré ça, il était comme en tabarnak. Il était comme « Ah! » Au moins, c'est toi qui l'as, mais « Ah! » Fait que j'ai quand même donné un lolo. Il y avait un autre jeu qui voulait un jeu de course. Et je sais comment, okay, je vais te le donner. Fait qu'elle a respecté l'ordre de priorité de Kijiji. Ben ouais, ça arrive, ça. Moi, je fais ça, en fait. Quand je vends sur Kijiji, puis c'est très rare parce que je déteste l'expérience, tu sais, je vais par ordre, je fais comme un log. Lui, il m'a appelé à telle heure. Lui, il m'a emailé à telle heure. No joke, là. Là, je fais ça parce que moi, j'ai tellement traité sur Kijiji. C'est tellement désagréable que je me dis, je vais être fair au max, tu sais. Puis à un moment donné, ben, faut que tu fasses disparaître ton annonce, là. Tout de suite, t'sais, parce que sinon, on sait pas ce qui peut arriver. C'est là, ça, tu te fais contacter spam dans la nuit. Là, du fait monde à le temps. Ah non, comme non, un y pug. En a pas mal. Bref, même si les ventes de garage n'étaient pas bonnes, pour une fois, Internet a été de notre côté. Et les, ben dieux ouais. Les dieux de la plèbe nous ont souri. Les dieux de la plèbe. Nous a réchauffé avec un beau Elemental Master au Genesis. Wow. Alors voilà, donc j'espère au mois d'août ça devrait revenir là. C'est pas émental, master. Émental, master. Fallait pas que tu dises rien en fait. Je suis vraiment slow motion. J'ai trouvé ça voilà. Bon. C'est bon. Il y a lui, mais il y a aussi Swiss Fondue Night. Ouais. Qui était écœurant au Genesis. Puis ceux-là, là, si vous trouvez ça, c'est rare. C'est wow. Cheddar Warrior. Ouais. Cheddar Warrior. Ah, les non, cavaliers de Kraft. Ouais, c'est bon ça. Ah, bah, boy, de chez petit boy. Donc voilà. Ah. Donc, prochaine fois, les ventes de garage vont être bien recommencées. Fait que je m'attends d'avoir du croustillant en plus qu'une tarentule. Ben quand même. C'est sûr que t'es croustillant, c'était dans la fenêtre, tu sais, à gros soleil. C'est plus comme, impressionnant. Parfaitement séché. Là, ou à l'insectarium, t'aurais payé pour cette dégustation. Simonac. Bruno, oui, certainement. Je vais vous parler de ce que j'ai pigé dans ma boîte mystérieuse. Ça te prendrait un thème aussi pour ça. Oui, il me faut un thème pour on ça. On reçoit des thèmes. Il faut absolument un thème. Faire nos commandes de thèmes. Pour la raison, c'est pas bien. Il faudrait payer des droits. Ah non, on peut jamais mettre droit pour rien. C'est sûr qu'il y a une version cheap qui ont changé. La faire en midi ou quelque chose. On va t'en faire une, moi, Chris. Ma bouche tout le long, là, c'est correct. Ouais, exact. Est-ce qu'on peut commencer maintenant, Fred? Vas-y. Ah ouais, vas-y. Ah, beau boy. Ouais, hein? Crime, ça s'en vient difficile. Non, ok, bon. Ça va être gossant, là. C'est le Skippy s'en vient, tu sais. Alright, Bruno, maintenant la boîte. Bon, fait que ce que j'ai pigé dans ma boîte, en fait, cette semaine, j'ai été sélectif dans ce que j'ai pigé dans ma boîte parce que Dominique m'avait donné un jeu au dernier épisode. Il m'avait donné Gradius Galaxies au Game Boy Advance. C'est un jeu qui est sorti en 2001. Puis c'est le troisième jeu portable de Gradius, en fait. Il était sorti Nemesis au Game Boy puis Gradius Interstellar Assault sur Game Boy. Si je me trompe pas, j'imagine que Fred, la grise... Les faits semblent corrects. Ça semble correct. Puis c'est ça, c'est vraiment ton classique Gradius, en fait. Il n'y a absolument rien qui a changé. C'est vraiment l'excellente formule de Gradius. C'est un jeu, il y a 8 niveaux là-dedans. C'est un jeu qui a les continues à l'infini. S'il y a quelqu'un quelque part qui a jamais joué à Gradius, en fait, c'est un shmup de gauche à droite, puis t'as des améliorations là-dedans, justement. T'as speed up, missile, ripple, laser, shield, option. En fait, plus tu ramasses les espèces de petites icônes rouges qu'on voit là, ça te donne un power-up, puis tu sélectionnes en fait ce que tu vas décider de mettre sur ton vaisseau au fur et à mesure que ça apparaît. Donc, c'est un jeu qui est vraiment très le fun, qui est vraiment bien fait. Moi, j'avais commencé mes parties sur Game Boy Micro. Et je me suis rendu compte rapidement que c'était vraiment une mauvaise idée. Parce qu'un shmup comme ça, avec des petites balles qui mitraillent un peu partout. Là. Ah non, c'est vraiment difficile. Tes yeux devaient saigner. Ouais, non, c'était vraiment épouvantable. J'avais mal à la tête. Migraine, je ne savais pas pourquoi. Puis là, j'ai dit à Dom, en plus, je disais, je vais parler à soir de quel point je suis pourri à Gradius Galaxy. Mais c'était ça, c'était au Game Boy Micro. J'y arrivais pas, mais quand j'ai joué sur ma SP, c'était vraiment une expérience merveilleuse. Puis il est pas très difficile, en fait, ce Gradius-là. Là, il se fait quand même assez bien. Puis c'est un jeu dans lequel tu peux sélectionner ton tableau par la suite, tu peux arriver à tes checkpoints. Fait que t'as pas besoin non plus de t'inquiéter que quand tu vas recommencer, il va falloir que tu recommences au début. Tu vas pouvoir faire le tour assez souvent et assez rapidement quand même. Quelqu'un dans le chat a dit que tu n'as rien détruit l'île de Pâques dans ce tableau-là. Ben oui, c'est ça. Oui, Gradius et l'île de Pâques, c'est une longue histoire de haine qui perdure. Oui, ça fait longtemps que ça dure, cette histoire-là. Hey, d'ailleurs, life hack pour ceux qui nous écoutent à la maison, si tu veux jouer à Gradius Galaxies puis avoir vraiment bien du fun, avec un Game Boy Player sur la GameCube, avec l'analog stick, ça va super bien pour les shmups parce que c'est un peu comme tu sais les ouais c'est ça, c'est comme les joysticks à 8 directions. Il y avait il y avait des octogonal square box autour, en tout cas box autour de ça, fait que ça allait super bien. C'est vrai, ça c'est un très bon jeu, les shmups sur cette belle accessoire. C'est vraiment très bon. Hey, c'est drôle parce que au début de Gradius Galaxies, ils disent que le premier a eu lieu dans Scramble ou dans Scrabble, je me souviens plus. Scramble, mais... c'est un vieux jeu de Konami. Ils disent que c'est dans Scramble, en fait, c'est comme le premier Gradius, la première itération de Gradius qu'il y aurait eu. Du Vic Viper, qui ressemble à l'Enterprise dans le. Fait dans que, non, j'étais impressionné. C'est d'ailleurs justement très weird parce que quand tu commences le jeu, il y a un background avec un vieux livre puis une paire de lunettes fond brun. Puis il te montre toutes les Gradius qui sont sortis jusqu'à date, à part ceux-là au Game Boy, je sais pas pourquoi. Mais ils te montrent tous ceux-là, tu sais, arcade, NES, Super NES. T'as dit, regarde, tout ça c'est sorti et 2001, voici le maintenant Gradius verse, le package de luxe. C'est bon ça. Know your history. Weird, parce que tu sais, c'est vraiment weird. T'imagines pas quelqu'un dans un fauteuil de curé. Ouais, c'est ça. C'est moi de parler de Gradius. Ah ouais. Il y a un petit scotch là, tu sais. Ça, mon homme. Fait que le Vic Viper a évité le volcan. Ouais, c'est ça. Pogne les options. Bon. C'est ça qui est facile. La vitesse en premier. Moi, je jouais à ça dans Blades of Steel. Ah, bon boy. Fait que c'est ça, fait que c'est bien le fun en tout cas. Allez vous procurer ça. Petit Joe serait fier. Petit Joe, justement, on l'avait trouvé une fois avec Petit Joe, puis c'est lui qui l'avait gardé. Puis un jour, ça va être à moi aussi de la garder. Bon. On va ramener une poursuite. Je l'aime vraiment beaucoup, Petit Joe. La main corde là, c'est le meilleur corde. Il va prendre tous les revenus qu'on fait sur ces épisodes. Et boy. Une petite royauté qui revient. Nick, tu voulais faire quelque chose qu'on faisait pas souvent, une review de hardware. Moi, je vais faire une review d'hardware. Moi, ça m'intéresse au bout de celle-là. Wow. Parce que pendant que tout le monde faisait des choses à l'extérieur, moi, j'étais dans mon sous-sol, tu sais. Je checkais les spéciaux pendant la semaine folle d'Amazon Prime. Ah oui. Moi, je suis pas membre Prime, mais il y avait quand même des deals de fou. Puis là, j'étais là, ça fait longtemps que, tu sais, pour être un, je dirais, un PC gamer Master Race. Ouais, exact. T'as besoin d'avoir un keyboard mécanique. Ouais. Puis moi, j'avais un vieux Sinewinder gamer de l'époque où, tu sais, j'avais du backlid, mais il était pas mécanique. les lampes étaient brûlées. Ah. Non, il allait bien, tu sais, puis j'avais aucun vraiment bon besoin. T'sais, mais là, j'étais là, je regardais des streams, puis des affaires, là, j'étais comme crime, j'entendais le son du cliquetis, je me dis, je veux ça, tu sais. Je m'en vais sur l'heure du lunch au Best Buy, tu sais, puis je commence à checker les trucs, tu sais, des Black Widow à 150-200$, Logitech, tu sais, le Corsair, ils ont tous l'air cool. Puis tu sais, ça, dans le fond, il y a les vrais Cherry MX, les Switch là, de gamers que tout le monde veut, sauf Razer qui ont fait leur propre Switch. Là, j'étais qui mais de quoi tu parles, là? C'est des Switch pour jouer. Smile and nod. Ah, ben c'est ça. C'est des Switch, en fait, qui font le clic. Le cliquetis, puis il y en a des brunes, des bleus, des rouges, okay. Toutes les couleurs, puis ils font toutes quelque chose de spécial. Fait que là, moi j'étais comme, ah, mais c'est le fun le clic, parce que tu sais vraiment que t'as pesé sur ta touche, puis là, ça donne un très bon feedback. Ouais. Là, j'étais comme, j'en veux un, mais je veux pas mettre ces montants-là. Arrive la semaine Amazon Prime, là, ça t'a primé. Ça m'a primé en tabarnouche, puis là, je check ça, puis je browse, tout ça. 200$, 150$, 70$, 50$, 45$, 35$. Là, j'étais comme, wow. Ben voyons donc, là, je regarde les reviews de cette affaire-là. Super bon. Là, je suis comme, ben ça se peut pas. Non, là, j'ai c'est dit, quoi bon, le rabais 90%? Oui, écoute, non, mais non, ça vaut juste pas cher parce que, tu sais, okay. Je vais vous dire, c'est quoi la marque? C'est un Zhuque. Zhuque. Ça s'écrit Zhuque, OK? Wow. Puis ça, là, c'est le clavier officiel d'une équipe chinoise qui s'appelle Team Wolf. C'est peut-être pas chinois, peut-être que c'est coréen, mais c'est un clavier chinois, là. Excuse-moi. Okay. Est-ce qu'il est hot, là? Il manque le numpad, là. Il y en a pas, man. C'est comme un light. Fait que c'est sûr que quand t'essaies de calculer... Comment tu vas faire ton épicerie, tes comptes? C'est ça, quand tu fais tes comptes, c'est difficile, tu sais. Mais tout ça, là, tout ça... T'en as pas besoin quand tu games, tu sais. Fait que ouais. Ce que t'as besoin, c'est ça. Puis, il y a le fameux multicolore comme tout le monde recherche. Et la base en bas, c'est de l'aluminium brossé. T'sais. C'est quand même un beau produit de qualité. Ah, ça. Puis, au lieu d'avoir les vrais Cherry MX Switch qui coûtent cher, c'est des imitations, mais qui font exactement la même job, tu sais. Ils font le même. L'équipe chinoise oblige. L'équipe chinoise a fait un job incroyable de copier cette affaire-là parce que quand j'étais chez Best Buy, le son est pratiquement identique, le feeling est pareil. Okay. Ça a l'air solide, c'est vraiment bien. Puis là, j'étais là, ah ouais. Puis là, je joue avec depuis un petit bout. Là, puis véritablement, si vous êtes un PC gamer, puis ça vous tente pas de mettre 250$ pour un clavier, t'sais, mais vous voulez un clavier mécanique qui a de l'allure, t'sais, allez voir le fameux Team Wolf Zhuque. Puis vous pouvez ça trouver sur Amazon, possiblement sur AliExpress, je sais pas, mais quelque part. Une copie. Fouillez sur Internet, mais moi je suis vraiment satisfait. Ouais. Et honnêtement, pour un mechanical keyboard, je pensais jamais que ça pouvait se trouver à ce prix-là avec une satisfaction entière. Puis écoutez, j'ai donné une petite note d'une revue express. Ah. 9 sur 10. Était caché derrière l'image. Ouais, le meilleur. Merci GF d'avoir mis ça. Le meilleur bang for the buck que tu peux pogner. Yeah. Je pense que ça, c'est une liquidation. Ben, pas une liquidation spéciale à 39$. Ouais, c'est à ça. À 35. Mais je pense qu'il se trouve à 49. Même à 45, 49. Okay. C'est encore un deal incroyable. Ouais, c'est versus pas cher, moins cher que les autres claviers de ce genre. Ça fait vraiment déjà. Mais c'est un light. Puis vous pouvez l'avoir en blanc ou en noir. Moi, j'ai choisi noir parce que tu sais, c'est beaucoup plus viril. Ben oui, exact. Mais attends, moi, je que tu m'expliques pourquoi les couleurs. Ouais, c'est beaucoup plus viril. C'est important. Moi, j'aurais préféré qu'ils soient monotones, OK? Moi, j'aime ça. Genre, mon ancien était tout rouge, puis ça me plaisait. Tu dis que les couleurs sont importantes. Non, les couleurs sont pas vraiment importantes. C'est pour faire beau, tu sais. Mais il y en a qui vont dire, ah oui, mais quand je vois ma ligne, mettons, SDF, elle a besoin d'être alignée, tu sais, ou QWERTY. Là, je suis comme, ben. Dans le fond, non, tes doigts, tu regardes jamais ton clavier, tu sais. Mais ça, c'est pour le look, man. Tu rentres chez vous. T'as plein de LED dans ta machine, puis t'as ça qui brille. C'est pour la même raison que pourquoi il y a un gros LED vert sur ma GTX 1080 dans mon ordi. C'est juste pour flasher. Mais le problème, c'est que tu t'arrives avec un... Tu trouves de la femme. Ouais, mais là, tu sais, si tu magasines tes prix, tu te ramasses. Moi, mon PC, il est vraiment pas beau, man. J'ai des LED de toutes les couleurs. J'aurais jamais choisi ça, tu sais, mais là, regarde, il fait un job, il est pas payé, puis il est money. Regarde. À 34$. À 35$, là. Exact. Mais c'était super. Honnêtement, là, allez-y si vous êtes cassé. Vous voulez jouer avec un clavier mécanique? Let's go, guys. C'est le clavier pour vous. C'est un bon clavier en plus. Excellent, ça. GF. Yes. À mon tour, t'es allé te perdre dans le VR. Toujours perdu dans le VR. J'ai pas joué beaucoup récemment, mais avant d'aller dans le mois de break, Rétro Nouveau, je n'ai joué à un. Ouais. Sur le channel de Rétro Nouveau, en fait, j'ai joué à Vindicta. Yes. Je vais mettre le gameplay, en fait. C'est un first-person shooter. Et puis, de GameCooks, qui d'ailleurs était sur le chat quand j'ai fait le let's play. Oh, et ouais. Puis, ils m'ont parlé en français, fait que je trouvais ça super. Je l'avais sur mon poignet. Je sais pas où il était, où exactement, mais il me répondait en français. Puis, j'ai posé des questions, puis il me parlait. Quand j'avais fait Budget Cut, au dernier épisode que j'étais là, je parlais de comment se déplacer, puis c'était avec du téléport. Cela, dans ce jeu-là, en fait, la twist, c'est la façon de se déplacer, c'est en locomotion. Donc, tu vas soigner tes bras un peu comme si tu marchais, puis c'est ça qui va te faire avancer. Ah ouais. Puis là, j'ai le. C'est là, tellement on, drôle. On voit comment j'ai de l'air vraiment niaiseux, mais j'ai pris le conseil à Bruno, je me suis grossi en vidéo dans les. Ah oui, ouais, ça vaut la peine. C'est fun. Moi, je cherchais un jeu, tu te cognes là, là-dedans. Celui-là, j'ai passé pas de me cogner, en fait. Avec les toutous en arrière, là, mon gars. Ah ouais, ben c'est le studio avec pas de table, en fait. Même pour monter les échelles, comme on voit là, faut s'agripper avec les barreaux, comme on le ferait pour vrai en montant une échelle. Ah ouais. Fait que tu vas barreau par barreau. Ce qui est fantastique, c'est que là, on voit qu'il y a une araignée qui m'attaque, mais tu peux te tenir d'une main puis tirer de l'autre main pendant que tu te tiens après. Wow. C'est cool, man. Fait que c'est vraiment écœurant. Faut que tu te penches, comme là, on me voit avoir l'air épais, être en dessous des pipes, là. Ouais. J'étais à genoux puis je me soigne les bras comme un imbécile. C'est ça le futur, man. C'est ça le futur, pour vrai. Avoir mal dans les genoux sur du projet de bras francs, là. C'est des hommes adultes. Blessés à quatre pattes avec du stock à 1000$. T'es blessé en jouant à des jeux vidéo. Mais non, sérieusement, ce jeu-là est très, très léché, très, très beau, en fait, là. Ouais. C'est frénétique, c'est le fun au bout. Des grosses waves d'ennemis. On se bat contre des robots, on se bat contre des grosses araignées aussi robotiques, des affaires dans les airs. C'est très, très cool. Si vous avez un casque VR, essayez ça absolument. Ouais, c'est ouais, dans les meilleures expériences que j'ai eues à date sur un jeu de ce genre-là, là, d'action plus FPS. Là. Ouais, c'est le fun pour le déplacement, ça fait du bien parce que. C'est une bonne idée en fait. Tu peux quand même te déplacer. On voit mon area là, que là je suis un peu en dehors, là, mais j'ai un genre de 2 mètres par 2 mètres que je peux me déplacer. Ça marche toujours entre les jeux. C'est quand tu vas en dehors ta zone, comment tu vas te déplacer. Ouais, c'est ça. Eux autres, ils l'ont résolu en bougeant tes bras dans le fond. C'est une bonne idée. Ça, puis le téléport à date, c'est les affaires qui fonctionnent le mieux, je trouve. Sûr que tu glisses, que, comme tu glides, j'haïs ça là. Moi, je regarde juste JF qui bouge. C'est tellement méta. C'est écœur, hein? C'est extraordinaire. Écoute, moi sérieusement, là, ça, tu commences à me donner le goût de me débloquer un petit 3000$. Là. Fait que, en tout cas, c'est sport de zéro avec pas d'ordi. Là, mais c'était mon jeu pour la semaine. Et puis, cette semaine, sur Twitch, je vais faire, en non-VR, sur le Twitch de Rétro Nouveau, je vais faire Drifting Lands. Oui. On a reçu un code, j'attendais de le faire. Là, fait que je vais faire ça. Puis sur mon channel Twitch à moi, je vais essayer le jeu VR de Rick and Morty pour le même mercredi. Oh, nice! Ça a l'air complètement débile, ce jeu-là, donc à voir, là. Je vous en reparlerai à un prochain épisode de celui-là. Fantastique. Ça a l'air merveilleux. Ouais. Génial! Fait que là, on va partir ça en critique. Yes! Yes! On va partir ça, en fait. On fait une critique ensemble. Fred va leader ça. Yeah! On va parler de... Micro Machines World Series. Yes! Donc, vous l'avez deviné, un jeu des micro-machines publié et développé par Codemaster. Ben, faut mentionner que c'est les originaux, hein, Codemaster, qui ont fait le... Oh, ah oui, c'est original, fait que tu sais... Ouais. Exactement. Puis je pense que c'était porté sur console par Just Add Water, un autre petit studio qui a donné un coup de main. Exactement. Et c'est disponible sur PS4, Xbox One, PC. Est-ce que c'est disponible sur d'autres choses bientôt? On ne sait pas trop. Pas pour l'instant, on sait pas pour l'instant, mais bon, bref. C'est évidemment, ceux qui connaissent les micro-machines, un jeu de course top view. Donc, un peu arcade sur les bords, un peu dans la même lignée que les micro-machines sur NES, Genesis, N64, PS1, name it. Ça avait été quand même une assez grosse série, puis c'est vraiment un retour aux sources. C'est un retour finalement aux vieux amours des micro-machines. Ouais. Je pense que je cherche le play. Ben c'est ça, c'est un retour aussi. En fait, là-dedans, je pense que c'est Mattel en fait qui tient ça. Hasbro, c'est ça. Fait c'est qu'ils ont toutes les licences de Hasbro aussi en même temps. C'est intéressant. Les G.I. Joe, on a les Nerfs. Tank Cobra. Il y a pas mal de trucs. Ouais, il y a même la voix du commandant Cobra quand tu choisis ce char-là. C'est vrai, fun. Puis, donc, on a à peu près... On a trois modes de jeu là-dedans. Donc, là, ce qui est vraiment drôle, c'est que le développeur continue de pousser des patchs sur le jeu. Puis, depuis entre la première fois qu'on a joué et la dernière... Les modes de jeu ont changé. Donc, au début, on était un petit peu. En tout cas, moi, de mon côté, j'étais un peu mélangé. Donc, il y a trois modes de jeu. Il y a le AI Match, qui est un mode, si on veut, avec des automobiles contrôlées par l'ordinateur. On a les public matchs qui, eux, sont vraiment 100% en ligne avec d'autres joueurs. Et des fois, il peut y avoir des AI qui sont poussés là-dedans. Ouais, il y a des bots si tu trouves pas de personnes en ligne. Et il y a évidemment le mode local où est-ce qu'on peut jouer à 4 sur le sofa avec nos fesses bien installées. Ouais. Donc tout ça, ça se passe sur une dizaine de pistes de course puis une quinzaine d'arènes de combat avec 12 petits véhicules. Donc comme Bruno disait, on a des véhicules qui touchent un peu à des licences communes de Hasbro comme les G.I. Joe. On a on voit les armes à l'écran qui sont inspirées des armes Nerf. Ouais. Donc, puis t'as même, tu sais, tantôt, t'avais dans ce tableau-là, tu sais, t'avais les espèces de dictionnaires qu'on avait quand on était petit, l'espèce de tablette rouge qui disait des mots. Il y a des Tiger Electronics. Exact, tu sais. Fait que ça, les licences puis les tableaux, moi, je trouve visuellement ce jeu-là, il est vraiment intéressant. C'est un beau. C'est un bel update, en fait, l'original, là, visuellement. Exactement. Ouais, c'est très, très inspiré, en fait, des originaux, on peut dire. Oui. Mais. Ouais, c'est ça, tu sais, ils ont comme rafraîchi ça en 3D, on peut dire, là, mais ouais. Ça marche bien, ça a pas l'air trop... Ça marche bien, sauf que des fois, tu sais, direct en partant, moi, une chose que j'ai trouvé difficile, c'est que des fois, tu sais pas exactement où ta piste, alors que sur ouais. NES, c'était clairement indiqué. Il y a beaucoup de détails, en fait. Ce qui arrive, c'est ça, il y a beaucoup de détails. La mémorisation, elle devient vraiment importante. Puis surtout, ouais. Les pistes, maintenant, se passent beaucoup sur des tables ou en hauteur pour donner comme une espèce d'effet ouais. Un peu ouais. De profondeur. Exactement, la focale qui donne l'impression justement que c'est des petites voitures minuscules. Ouais. Ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de pit of death, si on veut. Donc, ouais. Il y a beaucoup de sorties de pistes qui sont possibles, surtout au début. Donc, la première fois qu'on joue le jeu, la prise en main pour connaître les pistes est... mettons qu'on apprend à la dure, là. Il y a un ouais. Learning curve qui est assez important dans le jeu. Mais ouais, c'est important de mentionner que l'original sur NES, moi j'ai rejoué cette semaine ouais, aussi pour me principe. Rappeler. C'est le même principe. T'sais, c'était pas faisable, c'était vraiment rapide, puis il fallait que tu c'est mémorises ça. La piste avant de réussir. Là. Mais ça, c'est intéressant d'en parler parce que tu sais, t'as deux écoles de pensée. T'sais, tu peux dire, on a été super old school, on a voulu représenter, mettons, ce que le jeu original était au niveau des contrôles, puis tu sais que c'est difficile. Mais en même temps, je regarde ce jeu-là, puis il a l'air clairement à s'adresser à un public casual. Ouais. J'aurais aimé des contrôles un peu plus intuitifs. Ouais. Je pense qu'en fait, c'est là-dessus que le bas blesse un peu. C'est dans la prise en main du jeu. Ouais. C'est un peu difficile à contrôler. Il y a comme un ça se contrôle comme Super Off-Road, mais un peu plus lousse. Ouais, c'est ça. Mais c'est ouais. Trop lousse, en fait. On dirait fait, qu'il y a de la physique dans tes contrôles. Ouais, c'est ça. Il y en a, c'est trop lousse, là. C'est qu'il y a un délai, on dirait, aussi, dans les mouvements, ce qui fait que tu as toujours l'impression d'être un peu en train de déraper, puis c'est un peu flottant, puis tu es toujours en train de corriger la trajectoire. Moi, j'aurais aimé ça d'avoir vraiment comme une physique un peu plus nerveuse, un peu plus sec, comme vraiment avoir comme l'original. Ouais, l'original, c'était ça, là. Avec la chance qu'on a avec la 3D comme ça, ça aurait été de donner un feeling vraiment des petites voitures qui pèsent à rien, oui. Comme qui t'avait vraiment l'impression vrai. De les jouer. Puis là, en ce moment, je trouve que j'ai l'impression qu'on c'est pesant un peu là-dessus. Oui. Donc, comme je disais tout à l'heure, avec les pistes qui sont souvent en hauteur, ça devient un peu difficile des fois de bien rester vraiment dans on track et tout. C'est ça vrai. Devient vraiment pénible dans certains modes de jeu. Donc, il y a trois principaux types de jeux. Il y a les courses, évidemment. Donc, comme on a vu là, il y a des modes free-for-all qui sont vraiment axés sur le combat. Donc, chacune des voitures dans ce mode-là, c'est intéressant parce qu'ils ont des habiletés spéciales. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment un peu vraiment du combat avec différents types de jeux, deathmatch, capture the flag ouais, et c'est tout. Quasiment trois habiletés, comme un MOBA où tu as une espèce d'ultimate que tu charges. Ouais. Ça, c'est intéressant. Ouais. Puis, tu as un mode elimination que là, justement, c'est vraiment... C'est une course, puis... Si tu sors de l'écran, t'es game over. Si tu tombes en bas, t'es game over et tout. Puis c'est vraiment un mode survie. Habituellement, ça dure moins qu'un lap, là, je te dirais. Mais c'est drôle parce qu'il y a un gros focus qui a été mis sur le mode combat dans ce jeu-là. Ouais. C'est assez spécial parce que c'est pas nécessairement le truc que t'as le plus envie de faire. Puis tu sais, il y a vraiment beaucoup de contenu à ce niveau-là. Tu sais, ça ressemble, ça rappelle beaucoup Overwatch là, un peu dans les. Ouais, t'as raison. Mais ouais, il y a des affaires qui veulent te unlocker, puis tu sais, l'esthétique est semblable. Pour revenir au combat, tu sais, c'est pas Mario Kart là. Non, c'est ça, ça manque un peu le mode de combat là, tu sais, c'est ouais. il y a des armes qui sont là de façon naturelle, tu sais, tu peux pogner certains items de boost ou de mais tu peux te healer, tu sais, il y a des fois ouais. Tu vas chercher des points de vie. Il y a beaucoup d'armes, je trouve, il y a énormément d'armes. puis de façon de détruire tes ennemis dépendant du véhicule que t'as. Ouais. Puis ça, on dirait que tu t'en fous un peu parce que tu vois tellement ton véhicule de loin. C'est difficile. Que ça n'a aucun impact. Puis quand tu tires quelqu'un, tu sens pas l'impact. Ouais, même avec le rumble. Ouais, un beam laser. Il y en a un qui avait un beam laser qui est tout petit. T'as pas l'impression de faire du dommage ou d'en recevoir, tu sais. Fait que. Exact. C'est un peu difficile à juger. Là. L'autre affaire qui est vraiment. Puis là, c'est vraiment là-dessus que moi, en tout cas, ça m'a un peu fait mal. C'est vraiment en termes de structure du jeu. Donc, avant la dernière patch, il n'y avait pas vraiment de mode solo, du moins. Il y avait pas vraiment de mode qu'on pouvait jouer en solo et progresser dans le jeu, ce qui était un peu difficile. Mm-hmm. Fait que j'avais vraiment hâte de l'essayer en co-op dans mon salon avec mes amis. Puis quand on l'a essayé, ben là, ça a vraiment fait mal parce qu'il n'y a pas de mode course en co-op sur le couch. Donc, il y a juste le mode combat et élimination. Ouais, puis le mode combat, il est quand même très simple. Là. Il y a une arène, tout le monde tire. Ben, en même temps, moi, je comprends pourquoi ils l'ont fait parce qu'à un moment donné, il aurait fallu qu'ils fassent un 4 écrans, en fait. Parce que ce qui arrive à un moment donné, si t'es plus dans l'écran, le mode élimination, il te permet que dès que t'es plus là, t'as pas à gérer le fait que t'as pas la vision. T'sais. Mais ça fait partie quand même de la franchise de Micro Machines, justement, d'avoir un mode 4. La cassette Genesis avait des trucs à manette dans la cassette en tant que telle, parce que tu ranges des manettes de plus. Donc ça, j'ai vraiment trouvé ça dommage. Puis en termes de contenu, malheureusement, pour ce genre de jeu-là, 10 courses qui finissent par se ressembler, parce que c'est souvent les mêmes environnements, ça fait un peu mal pour un jeu qui... C'est pas exactement full price, mais c'est quand même C'est 39,99 c'est quand ça. Même. Là, c'est quand même pas loin. Bon donc, en termes de contenu, on fait le tour assez vite. Puis bon, comme je disais tout à l'heure, vu qu'il y a un gros focus sur le multijoueur, ben là, on se retrouve à être dépendant du matchmaking. Ouais. Et il n'y a pas beaucoup de joueurs en ce moment sur PS4 qui jouent au jeu. Là. Ça a été difficile. J'ai pas réussi à me trouver du monde. Puis même moi, ça m'est arrivé que il y avait tellement de difficultés à trouver du monde que ça restait là, j'avais pas d'option pour revenir en arrière, j'ai dû quitter le jeu pour pouvoir revenir dans le jeu. Il y a eu un bug que j'ai vu qu'ils ont confessé. Mais bon. Mais c'est ça, la communauté est pas vraiment présente. Là. Moi, j'ai joué en course, j'ai vu deux autres personnes. En mode, combat puis élimination, j'ai trouvé personne. Ouais. Je jouais juste contre des AI, en fait. Mais moi, j'aurais vraiment beaucoup aimé faire des courses à 4. C'était vraiment ça que je voulais en ayant ce jeu-là. En ce moment, il y a juste en mode multijoueur en ligne que c'est possible de le faire. Exact. Mais ça perd le feeling, justement, dans le salon. Le feeling party, puis d'avoir des manettes, exactement. D'avoir du monde aussi au même niveau que toi, là, d'avoir tes chums. C'est ça. Donc, c'est toutes des choses qui pourraient se corriger sur des patchs. Par exemple, je pense qu'ils ont la base quand même là, c'est du ça. Jeu. Oui. Le développeur pousse quand même pas mal de patchs, comme je disais tout à l'heure, entre le moment où est-ce qu'on a joué au jeu pour la première fois, puis qu'on a rejoué une dernière fois. Il y a eu quand même des mises à jour qui ont été faites. Il y a pas mal, justement, comme je disais, ils ont rajouté un pseudo mode single player, mais qui a quand même besoin d'avoir du multi et tout. Ouais, exact. Donc, il y a quand même du travail qui est fait. J'espère vraiment qu'on va avoir du contenu qui va être ajouté. En ce moment, l'offre est un peu petite, puis le core est pas assez... raffignolé pour être capable de nous garder en longue haleine pour très longtemps. Exact. Ouais. Et c'est pour ça qu'on s'est entendu sur la note de 5.5. Donc, c'est pas un mauvais jeu. Il y a un début qui est là. On espère que, justement, il y a encore du support qui va être fait justement pour permettre d'améliorer ça. Mais en ce moment, ça laisse un peu malheureusement sur notre fin. On arrive à en avoir un peu plus. C'est ça. On y a joué tous ensemble, puis c'est dommage. C'est une licence qu'on aime beaucoup. Donc c'est ça. Je vais faire les critiques à mon tour de Splatoon 2. Jeu publié et développé par Nintendo, disponible sur Switch seulement. C'est un exclusif. Puis Splatoon 2, en fait Splatoon 1, il l'avait eu sur Wii U. Ça a quand même été un bon succès pour la Wii U. Pour ceux-là qui en avaient une, ils ont beaucoup apprécié. Moi également, j'ai vraiment aimé ça. J'ai adoré. J'ai aimé qu'il y ait une campagne solo aussi. Ça, c'est quelque chose que tu t'attends pas dans un jeu comme ça. Puis ça, j'ai trouvé ça bien intéressant. Mais c'est ça aussi, c'est le multijoueur en fait, c'est leur réponse au jeu de tir des consoles compétitifs. Puis Nintendo, encore une fois, pareil comme ils font avec le karting, essaie de trouver leur façon de démocratiser un mode de jeu auquel les gens sont habitués de jouer. Donc c'est ça, Splatoon 2 sort pas si longtemps que ça après Splatoon 1, mais dans le jeu, Il s'est passé, si je me trompe pas, 2 ans entre le premier et le deuxième jeu. C'est pour ça, c'est de même, c'est expliqué dans le jeu que c'est pour ça que les choses n'ont pas changé tant que ça. Il y a juste 2 ans qui ont séparé les deux jeux. Mais quand on commence le jeu, on s'aperçoit, premièrement, que visuellement, il y a vraiment une différence. Si vous rejouez à l'original sur Wii U, présentement, j'ai joué à celui sur Wii U, joué à celui sur Switch, puis graphiquement, il y a vraiment une différence. Les niveaux aussi, je veux dire, visuellement, c'est vrai que ça se ressemble. Mais juste les textures de peinture, ça n'a aucun sens. Puis tu as aussi encore les deux filles qui sont là à l'entrée de chaque session de jeu, puis qui vont jaser, puis tout ça. Puis tes voix, des fois, il y a des shots dramatiques de très près, puis tu peux voir vraiment tout le détail de la lueur sur les squids, puis tout ça. Mais d'ailleurs, c'est pas les mêmes, hein, parce que comme ça fait partie de l'intrigue. C'est là, ça fait partie dire, de l'intrigue. C'est pas les mêmes inklings. Là. Exact. Ouais. Il y en a une que c'est la même, l'autre, je suis désolé, je me souviens pas de leur nom, mais parce que c'était Callie puis Mary dans le premier jeu. Là, c'est il me semble que c'est Callie puis Mary est pas là. Mais Mary est à l'intérieur de la campagne solo. Ouais. Mais comme la campagne solo, c'est pas l'attrait le plus intéressant pour la plupart des gens qui s'intéressent à ce jeu-là, je vais commencer par le multijoueur, parce que c'est vraiment ce qui intéresse le plus de monde. Yeah. Multijoueur en ligne. Donc, il y a tous les modes de jeu qui étaient là auparavant sont là. En fait, on va commencer, on va rentrer dans une partie rapidement. Dans Splatoon, c'est facile. Quand on veut rentrer dans une partie, tu peux avoir un menu dans lequel tu vas te rendre rapidement, mais tu peux aussi te promener à l'intérieur de cette petite ville-là, de ce petit hub-là, puis aller directement dans la porte qu'on voit présentement qui est au bout du centre. Puis là, ben, on va pouvoir aller faire une partie multijoueur. La base de Splatoon, c'est vraiment de couvrir la plus grande partie du terrain avec la couleur qui t'est assignée. Parce que à toutes les fois que tu commences une nouvelle partie de Splatoon, ta couleur change. Fait que t'as pas une couleur précise, puis ça reste ça tout le long du jeu. Ta couleur change tout le temps. Puis c'est tout le temps intéressant de faire ce remplissage de peinture-là à gauche et à droite avec les gens. C'est vraiment le fun de jouer en ligne. J'ai pas eu de problème avec le matchmaking de ça. Présentement, ça se fait vraiment de façon automatique. Donc, tu rentres à quelque part, ça trouve 7 autres joueurs pour jouer avec toi. C'est du 4 contre 4. Ouais. Puis ça va prendre les niveaux des gens qui sont à peu près... Des fois, c'est des gens qui sont au même niveau que toi. Des fois, c'est des gens qui sont plus forts que toi, qui sont, disons, au niveau, mettons, tu peux être niveau 4, puis ils vont te pairer avec un niveau 12. Mais ils vont égaliser ça des deux côtés pour que ça soit sensiblement la même force des deux bords. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, vraiment bien fait. Il y a aussi un mode où tu contrôles une tour. En fait, c'est comme un genre de capture de flag. Tu t'en vas sur une tour. Puis elle va s'avancer vers une base ennemie, puis tu dois survivre tout simplement pour qu'elle se rende à la base ennemie. T'as aussi Rainmaker qui est en fait une arme qui est vraiment puissante, puis tu dois la capturer pour l'amener dans la base ennemie. Donc, les modes multijoueurs, c'est sensiblement tous la même chose, mais c'est vraiment le fun, c'est vraiment addictif, puis c'est vraiment facile d'approche. C'est un jeu que n'importe qui va pouvoir jouer puis avoir du plaisir, autant un vétéran que quelqu'un qui commence à jouer aux jeux vidéo vraiment là, va être capable de trouver son compte là-dedans. Ouais, pour ceux qui ont joué à Splatoon 1 sur Wii U, là, les peu de gens, il fallait avoir une Wii U. Là, ouais. Vous allez torcher en ligne. Oui, exact. Parce que c'est un jeu qui a quand même une toute petite courbe d'apprentissage. Ouais. Mais c'est facile à pick-up, mais pour masteriser, en exactement. Fait, là, c'est très compliqué. Exact, parce que c'est ça. Là, une des grandes particularités, c'est que tu as du gear là-dedans. Tu peux changer tes armes. Les armes, il y a différentes sortes d'armes. Il y en a qui vont tirer comme un fusil, qui vont tirer de la peinture. Tu vas avoir des rouleaux qui vont couvrir une grande distance. Tu vas avoir un pinceau. Il y en a plusieurs. Puis, il y a du contenu qui va sortir comme ça gratuitement toute l'année encore pour justement permettre d'avoir un support pour ce jeu-là. Là, il y a tellement de choses à dire sur ce jeu-là, je vais avancer vite. On peut changer d'armes, essayer les armes avant de les acheter aussi, ça c'est très bien. Les Amiibo, le support pour les Amiibo, tu peux garder tout ton gear puis tes settings dans ton Amiibo. Je trouve ça intéressant, sauf que dans le premier, ça débarrait des challenges. Fait que je trouvais que c'était encore plus intéressant d'acheter un Amiibo. Ouais. Ceci dit, les Amiibo du jeu sont vraiment super beaux. un des mods qui m'a le plus surpris, ouais, c'est Salmon Run, qui a été annoncé récemment. C'est vraiment écœurant. Ça, c'est une nouveauté. Il était pas dans l'ancien. C'est ça, il était pas dans le premier. C'est un mode à 4 joueurs, en fait. Le but de Salmon Run, c'est d'éliminer des boss. Il va y avoir différentes sortes de boss qui vont apparaître, puis ils ont toutes leurs façons différentes de les détruire. Puis avec tes 3 amis, il faut que tu les détruises pour ramasser des œufs en or que tu vas devoir mettre dans une espèce de petit panier. Tu fais ça, puis tu finis tes runs. T'as plusieurs matchs comme ça, puis c'est vraiment, vraiment, vraiment le fun. La twist de Salmon Run, c'est que c'est disponible durant seulement certaines heures quand t'es en solo via Internet. Si t'as un ami qui a une Switch ou 3 amis qui ont une Switch, vous pouvez jouer en co-op en mode local sans fil. Après ça, je vais parler rapidement du solo. Le solo, en fait, ça t'apprend à utiliser les multiples armes qu'il y a dans le jeu. Fait que, contrairement au premier jeu qu'il y avait sur Wii U, c'est une excellente façon de commencer à comprendre c'est quoi Splatoon. Fait que moi, je conseille aux gens, avant d'aller en ligne, d'aller jouer au mode solo. T'sais, peut-être pas de le finir au complet pour commencer, mais t'sais, peut-être de te rendre, t'sais, de te faire une soirée là, où tu finis, je sais pas, où t'es rendu au 3e niveau avec les boss qu'il y a. Ça peut être vraiment intéressant pour apprendre les armes. Puis aussi, il y a des nouvelles techniques qu'il n'y avait pas dans le premier. Entre autres, il y a une affaire que, un peu comme dans Sonic, où tu sautes, ou dans Ratchet & Clank, où tu sautes sur un rail. Puis tu peux glisser sur le rail puis tirer sur des trucs en même temps. C'est malade. Ou comme dans Skater. Ouais, exact. Puis il y a aussi un truc où tu as des tapis qui sont complètement roulés. Tu tires dessus puis ils se déroulent sur tes ennemis. C'est vraiment cool. Tu peux aussi te propulser à l'aide de tapis roulants. Puis ça va t'aider à faire du platforming. Il y a vraiment différentes façons de faire du platforming dans ce jeu-là que je trouve vraiment hyper intéressant. Ce jeu-là, en solo, les boss sont vraiment inventifs, vraiment intéressants. Ils ont toujours plusieurs niveaux. C'est tout le temps une surprise à toutes les fois qu'il y a un boss parce que tu t'y attends jamais. Les boss ne se ressemblent pas du tout les uns les autres. Puis c'est vraiment... C'est un jeu, en fait, qui va être vu pour son multijoueur, mais le solo est tellement intéressant puis est tellement deep quand même. Ça a l'air d'un jeu qui n'a pas tellement de profondeur en solo, mais au contraire, il mériterait en fait d'être un grand jeu à grand déploiement en solo. Dans le premier, on pouvait sentir ça, mais dans le deuxième, c'est encore plus présent. Puis j'espère que dans le prochain Splatoon, ils vont mettre toute la gomme puis on va avoir une histoire puis tout ça. Parce que dans le 2, l'histoire, c'est vraiment c'est la base. T'as pas grand-chose. Tu vas ramasser certaines affaires qui vont te permettre d'en connaître un peu plus, mais c'est pas grand chose. T'as pas de cutscene, rien là. Ouais, ben ça reste, c'est un jeu qui se veut multijoueur à la base. T'sais. Exact. Je trouve que le single player est quand même élaboré, comme t'as dit. Oui. Puis il y a le fun avec le mystère là, de Mary. Là. Exact. Fait, ça c'est intéressant, mais tu sais, je pense pas qu'ils vont vraiment aller dans cette direction-là. Mais tu sais, c'est pas en même temps, c'est ce que je dis, c'est même pas négatif. C'est non, au contraire. C'est parce que c'est tellement bon le single player. Que t'aimerais s'en avoir plus. Puis c'est ça, pour les façons de jouer à Splatoon, moi je voulais le mentionner parce que c'est quand même assez important. En ligne, on peut jouer jusqu'à 8 joueurs. En local, on peut linker jusqu'à 8 Switch pour se faire des LAN parties. Puis ça se joue avec des contrôles complets en passant, pas avec une Joy-Con singulière. Tu peux pas jouer juste avec une Joy-Con. Ma grande déception Splatoon 2, c'est qu'il y a vraiment aucun mode multijoueur local en écran partagé. Ça, je comprends vraiment, vraiment, vraiment pas pourquoi il n'y en a pas. Surtout qu'il y en avait dans le premier. Mais dans le premier, la façon que c'était fait, c'est qu'il y en avait un qui jouait sur le gamepad. Puis l'autre personne jouait sur l'écran. Je sais que c'est difficile avec le développement puis tout ça. Bon, c'est coûteux puis tout ça de faire du split screen. Mais pour une console comme la Switch, je trouve ça quand même assez, assez important de sortir un jeu comme ça. Ouais, c'est ça. En multijoueur. En camping, là, ça aurait été le fun. Ah oui, ça aurait été vraiment incroyable. Fait que ça, c'est dommage. Puis aussi, il y a une autre affaire que j'ai moins aimé, c'est le fait de ne pas pouvoir changer de gear en 2 matchs en ligne. Ce qu'il faut que tu fasses, en fait, c'est qu'il faut que tu sortes complètement de la partie, du hub, puis après ça, tu t'en vas changer ton gear, puis là, tu reviens, puis là, tu vas pouvoir avoir tous tes éléments. Mais je pense que ça, c'est le genre d'affaire qui va pouvoir être traité dans un patch. Ben, en fait, ça, c'est pas mal le nouveau standard multijoueur. C'est pour vrai? Ouais, c'est pour avoir un loadout rapide, c'est pour augmenter la vitesse de load entre les parties. C'est fait ça. Okay. Ça, c'est même pas rapport avec Splatoon, là. C'est la nouvelle direction du multijoueur en ligne. Là, ben, c'est plate, ça, il me semble, parce que c'est t'sais, un des attraits de Splatoon, c'est les armes. Parce que quand tu essayes les armes, puis là, un moment donné, tu fais comme « Ah ouais, c'est vrai, j'étais avec cette gang-là. » Puis cette gang-là, ils ont tout le temps des rouleaux. Je devrais me pogner un snipe pour pouvoir les tirer. Là, après ça, tu te dis « Je vais pogner mon sniper. » Ben non, parce que là, tu sors, tu reviens, t'es avec une autre gang complètement. Ouais, t'as tout à fait raison, fait mais il y a plusieurs jeux pour des raisons de performance là, au niveau de... Ouais. Du matchmaking ou si tu sais ils veulent parce que tu peux pas être en attente des gens qui gossent dans leur profil. Ouais, exact, tu sais, fait que c'est vraiment je comprends. Ouais, mais je comprends moi aussi je comprends mais c'est plate. Moi je dis ça changer là. Quand je jouais ben souvent je me disais bon ben là c'est frustrant, j'ai pas la bonne arme, ça marche pas, je vais sortir, je revenais puis là j'étais comme je sais pas, t'es plus dedans, ça fonctionne pas aussi bien. Mais somme toute, c'est vraiment un excellent jeu, puis j'espère vraiment que le multilocal va être fait pour le troisième ou peut-être, je sais pas, moins DLC Splatoon gratuit. Splatoon 4 Modern Warfare. Mais c'est un incontournable pour la Switch, évidemment, fait que je lui donne un 8.5 sur 10. Nice. Allez acheter ça, c'est vraiment de la bombe. Yar. Donc, la prochaine, c'est mon tour. Fred avec Metal Gear Solid. Ben oui, Metal Gear Solid, mais attention ici, la version Game Boy Color. Donc, il s'agit d'un hidden gem. Donc, en disant Metal Gear Solid sur Game Boy Color, tout le monde s'est dit, ah, ils ont fait un, tu sais, ils faisaient des ports de n'importe quoi dans ce temps-là. Ouais. Mais en fait, c'est vraiment intéressant parce que Konami avait reçu la commande, de, supposément Konami Europe qui voulait avoir ce jeu-là. Ouais. Puis au lieu de faire justement un port cheap et tout, ils ont vraiment fait un jeu from the ground up pour la Game Boy Color. Puis d'ailleurs, ce jeu-là, à la base, c'était pas nécessairement un spin-off de Metal Gear Solid. C'était une suite de Metal Gear 2 sur MSX. Faut faire attention parce que Metal Gear 2 ou Nintendo c'est au Japon, jeux différents. C'est deux jeux différents. Kojima, donc ça, c'était comme... Kojima haït le Metal Gear. Ouais, au NES Snake's Revenge. NES, c'est ça. Donc, il dit tout le temps. Ça s'appelle en fait là-bas, c'est Metal Gear Ghost Babel. Ghost Babel, tu sais, comme les fromages. Donc, ce jeu-là, c'est drôle parce que ça dit que c'est développé par Konami, mais en fait, j'ai vu dernièrement que ça a l'air que c'était développé par Toz. Puis ceux qui connaissent Toz, c'est comme un studio secret qui développait des jeux pour des grosses compagnies, mais comme sans donner leur nom et n'est pas être crédité. Ça, à l'époque, c'était assez tabou. Donc bref, si t'as envie d'essayer ça, c'est un jeu qui coûte à peu près une quarantaine de dollars, je dirais, pour juste le jeu sur Game Boy. C'est pas trop pire, c'est parce que c'est un jeu quand même qui est pas commun. Donc, mais ça vaut la peine. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment un jeu unique. C'est pas un, t'sais, c'est vraiment un spin-off comme de l'histoire. C'est comme si dans le fond Metal Gear Solid n'était pas arrivé et tout. Puis c'est un jeu qui est quand même assez long. Donc le tout est séparé en chapitres. Il y a 13 chapitres. Puis il y a vraiment des complete screen. C'est comme un jeu portable finalement pour pouvoir sauvegarder ta progression et tout. Puis t'as même des ratings. Puis honnêtement, il y a vraiment beaucoup d'heures de gameplay dans le story mode. Je pense qu'il y a environ. Moi j'ai joué environ 5 heures, puis j'ai pas terminé le jeu. Puis j'étais à mi-chemin à peu près, je dirais. Puis c'est quasiment une bonne dizaine d'heures, ce qui est vraiment bon. Mais en plus, on a les 180 VR missions qu'il y avait sur PlayStation. C'est malade, ça. Qui ont été recréés sur Game Boy. Donc, s'il n'y avait pas assez de contenu dans le bleu. Et il y a même un mode multijoueur qui est impossible à tester parce que ça prend deux jeux et le fil pour te connecter et tout. C'est vraiment un mode PVP dans lequel tu dois ramasser des cartes d'accès et tout. Donc, Chris, il y a vraiment pas un... Il y a vraiment... C'est vraiment pas un package de guinée, là. Tu sais, c'est vraiment un petit paquet bien ficelé. Et d'ailleurs, petit fait intéressant, c'est le jeu de la série le mieux raté sur Game Rankings en ce moment. Donc, c'est là... Sérieusement? Ouais. Il y a 95,5%. Le plus haut que ça, c'est Metal Gear HD Snake, en tout cas, qui a juste un review. Fait que ça compte pas. Ouais. Donc, bref... Comme on peut le voir à l'écran, le gameplay, ça ressemble beaucoup aux versions, évidemment, 8-bit du jeu qui était sur MSX et NES. Mais c'est vraiment le fun parce qu'ils ont vraiment modernisé ça avec toutes les mécaniques qu'il y a sur PlayStation. Ouais. Donc, c'est pratiquement le même jeu. mais en plus simple. Puis moi, j'adore ça, parce que je trouvais que sur PlayStation, des fois, on était vraiment pogné dans la réalisation cinématographique et tout, tellement, puis on perdait un peu le gameplay. Ben, ouais. Dans le premier, c'était moins pire, mais dans les autres, on sait, ça s'est gâté dans la série. Ouais. Mais celui-là, ils ont vraiment juste rajouté les trucs qu'il y avait sur console. Donc, par exemple, on peut cogner sur les murs pour attirer les ennemis, croucher. On le voit là, en ce moment, on est dans la boîte, la traditionnelle boîte. Il y a même le lance-roquette que tu pouvais contrôler à distance qui revient. En tout cas, c'est vraiment hyper complet. Là, on peut le voir aussi, il y a une petite mini-map en haut à droite qui est vraiment minuscule. Ça, c'est ton affaire la plus importante dans tout le jeu. Ça te permet évidemment de voir en dehors de l'écran qu'est-ce qui s'en vient, comme dans Metal Gear. Mais là, on s'entend que l'écran est encore plus près. À la minuscule, par exemple, quand tu regardes ça. Très minuscule, mais sur Game Boy Advance, ça se joue très bien. Okay. Ce qui est le fun aussi, c'est que vu que c'est un peu plus rétro, ils ont rajouté des casse-têtes comme il n'y avait pas vraiment sur PlayStation. Donc là, on le voit ici, c'est comme un moment où il faut qu'on change notre boîte de couleur pour pouvoir aller sur les bons tapis et tout. Il y a un moment où tu as des portes avec des ordres de switch à mémoriser puis à ouvrir et tout. Il y a vraiment plein de petites mécaniques comme ça qui sont assez, assez différentes finalement de qu'est-ce qu'on trouvait sur console. D'ailleurs, il y a pas mal de gameplay exotique aussi dans l'émission. Là. Il y a vraiment un peu dans tous les genres. Donc, à un moment donné, tu as des égouts qui se remplissent et tout. En tout cas, bref, c'est vraiment assez varié quand même pour un genre, ce genre de jeu-là. Donc, il y a aussi des boss fights, évidemment, parce que c'est Metal Gear. Les boss fights sont un peu plus simples, je dirais. Là. C'est souvent des combats purs de positionnement où est-ce qu'il faut que tu évites des balles et tout, puis tu lances des grenades. Il y a beaucoup de lançage de grenades, mais il y a certains boss fights qui sont intéressants. Donc, t'en as un moment donné, tu te bats contre une fille qui se promène avec des decoys, mais il faut que tu utilises des infrarouges pour la repérer et tout. Bref, c'est intéressant. C'est vraiment l'équivalent de Metal Gear Solid 1, mais sur Game Boy. Donc, on peut voir aussi que visuellement, c'est très simple, mais c'est vraiment hyper efficace. Les animations sont écœurantes pour aussi. Tout est dans l'animation de et le peu de couleurs. C'est vraiment super bien fait. Donc, je sais pas si on va le voir, mais justement, à un moment donné, quand tu as le mode infrarouge, l'écran devient rouge au complet, les personnages sortent en blanc. C'est vraiment impressionnant. Ouais. C'est super intelligent la façon qu'ils ont approché ça. Puis tu te dis, crème, ce jeu-là aurait pu être sur Nintendo à l'époque. Ouais, vraiment, c'est vraiment assez impressionnant. Même au niveau musique, ça reste quand même dans l'original, mais en 8 bits, c'est vraiment bien fait. Il y a beaucoup de variétés. Le storyline de ce jeu-là est vraiment drôle. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de dialogues. D'ailleurs, on en parlait avec Jeff quand on a essayé de trouver le footage. C'était vraiment compliqué d'avoir du footage parce qu'il n'y avait pas des dialogues de 2 minutes qui contre-coupaient tout. Donc, c'est quand même fidèle à la série pour ça. Donc, les fans vont pas être déçus. Évidemment, ça garde tout le côté cheesy avec la bande de malfrats qui ont tous des noms d'animaux. Puis, tu sais, c'est un peu n'importe quoi. Je peux même pas essayer de vous l'expliquer, l'histoire du jeu. Moi, c'est pas mon point faible, mon point fort du jeu. Mais je trouve ça intéressant qu'ils aient gardé ça et tout. Par contre, là, on le voit un peu l'écran quand on change d'écran et tout. Ce qui est un peu plate, c'est que les ennemis, leur patrouille, vont recommencer à tout moment. Fait qu'il n'y a pas trop de continuité là-dessus. Fait que des fois, il y a des moments où tu essaies de faire rapidement des challenges, puis tu sais, tu vas faire resetter la patrouille finalement par accident, puis ça va un peu scraper ton affaire. D'ailleurs, le scrolling, des fois, il est là, des fois, il est pas là. Ça, par moment, ça devient un peu chiant. Parce que, tu sais, des fois, tu vas repérer, mettons, sur ta mini-map, il y a un garde qui est là. Mais tu peux pas nécessairement savoir dans quelle direction il regarde, puis tu sauras pas avant, finalement, d'être rendu dans sa face. Okay. Par contre, au moins, ça, c'est un avantage des avantages, c'est que l'AI est quand même assez simple. Donc, par moment, c'est assez facile de, si un gars te fait dos, de pouvoir arriver en courant, puis par le moment qu'il va t'entendre courir, parce que tu sais, c'est comme sur PlayStation, les ennemis t'entendent et te voient. Ouais. Ben là, il va se revirer de bord, mais en se revirant de bord, il y a comme un moment où il dirait que le line of sight des ennemis se désactive. Puis ça se peut que si t'arrives au même moment qu'il se retourne, que tu puisses passer comme si t'avais jamais vu. Ah ouais. Donc, si on regarde les speedrunners sur Internet, c'est pas mal ça qu'ils utilisent comme exploit pas mal tout le temps. Donc ça, c'est un peu dommage parce que ça fait que des fois, les challenges sont un peu faciles. Donc, tu sais, si tu triggers une alarme, ben, tu sais, tu vas aller te cacher puis les gars, ils vont t'oublier tout de suite. Ou ben, tu vas changer d'écran puis tu vas gosser comme ça puis tu vas être capable de finalement de l'outsmarter assez bien. Mm-hmm. Ce qu'ils ont fait pour pallier à ça, finalement, c'est comme je dis, c'est que le jeu est basé sur une structure de niveau. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont te donner un rating, donc selon le nombre d'alarmes. Fait que, tu sais, c'est quand même assez difficile d'avoir un bon rating pour compléter une mission. Ce qui donne quand même pas mal de replay value, justement, pour donner le goût de refaire puis de rejouer le jeu et tout. Donc, somme toute, c'est vraiment un package qui est hyper complet pour un jeu de Game Boy Advance. Honnêtement, je pense que c'est vraiment dans les... Game Boy Color. C'est même pas Game Boy Advance, c'est Game Boy Color. Donc, c'est vraiment hyper complet. C'est un jeu, comme je dis, d'une dizaine d'heures de vraiment plein de qualité avec beaucoup de contenu supplémentaire en bonus. Donc, on pense que ce serait un jeu qui serait vraiment comme cheap ou un quick cash-in. Mais c'est vraiment... Écoute, c'est moi, je trouve que c'est le meilleur des Metal Gear Solid, selon moi. C'est un des meilleurs jeux de Game Boy Color. Là. Moi, je l'avais. C'est ça. C'est dans le top des jeux de Game Boy Color. Et dans, dans la série Metal Gear, c'est vraiment un jeu qu'on bypass des fois, qu'on oublie. Qui est vraiment important. Et c'est pour ça que moi, je lui accorde la note de 8 sur 10. Oui. Donc, un excellent jeu. Ça vaut la peine. Si vous voyez ça passer, attrapez ça. Comme je dis, en bas de 40$, c'est parfait. Yes! Wow. Bon. Fait que là, Nick. Ouais. Moi, j'arrive avec. Essayer un excellent jeu, ça. Ben oui, c'est ben ça. Ben Fortnite. Chanceux. En fait, moi, typiquement, je vais décrire tout ça, là. Ben, je vais vous expliquer. C'est, ça a été fait, en fait. Bon, c'est Epic Games qui publie, puis co-développé avec People Can Fly, qui avait été acheté par Epic il y a un certain ouais, temps. C'est ça. Pour devenir Epic Poland. C'est pas clair. Je pense qu'ils sont encore People Can Fly présentement. Mais eux, ils nous ont livré Bulletstorm puis Painkiller. Fait que c'est quand même un studio que ils font pas énormément de jeux. Ils collaborent beaucoup à d'autres. Mais ça, c'est deux titres que moi, ils m'avaient vraiment très, très plu. Donc, je vais essayer d'expliquer ce jeu-là, là, puis vous allez... Restez avec moi, OK? Restez avec moi. C'est un survival wave-based third-person shooter tower defense crafting co-op, OK? C'est à peu près ça. Il y a à peu près tout là-dedans. Il y a tout. Vous avez imaginé quelque chose là, comme un mishmash d'un jeu que vous avez joué dans la vie, mais c'est ça. Mais, tu sais, Bruno, il a tellement trouvé ça insoutenable. Il a fallu qu'il sorte. Il y a trop d'émotions. Mais ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'ils ont vraiment pogné plein de jeux. Il y a des types de jeux que vous avez joués, puis ils ont mis ensemble. Ce qui aurait pu être une énorme catastrophe, tu sais. Mais je pense qu'ils s'en sont tirés de façon assez habile. Fait que si on regarde premièrement le look de ce jeu, la direction artistique est jolie, mais ça rappelle un paquet d'affaires que vous avez déjà vues, tu sais. Un petit peu de Team Fortress, il y a un petit peu de. Overwatch. Un peu d'Overwatch, il y a l'espèce de cel shading, tu sais. Il y a certains. Ouais, tu sais, c'est tout. C'est pas vraiment original. Même Loadout, que j'avais fait de la critique il y a à peu près un an, mais ça se ressemble un peu. C'est pas comme grave, c'est beau. C'est pas grave, exactement. Ça plaît à l'œil, c'est ça fait exactement un bon travail. Puis tu sais, ils sont pas lancés là, dans... Même si c'est un jeu de PS4... ils sont pas allés dans le dark. Ouais, c'est ça. J'aime ça. Mais je veux juste dire aussi, il est disponible sur PC, Xbox One et, rumeur veut, Mac OS. Fait que tu sais, genre... Go! Ça serait un jeu Mac. Donc, les gars, ils parlent-tu dans le jeu d'habitude? Ouais. Hein? C'est mon ex-là qui était... On a pris un feed d'un... C'est ça, c'est un feed... en tout cas. Donc, ouais, voilà. D'ailleurs, ce feed-là est très bon. Il explique les bases du jeu. Ouais, ouais, exactement. Mais dans le fond, là, ce jeu-là, vous allez voir... grosso modo, ce que tu dois faire, c'est... Tu dois te construire un espèce d'abri autour d'un espèce de dispositif qui va faire un méga shield. Mais il n'est pas tout de suite disponible ou activé. Fait que pendant une période X de temps, tu vas avoir des vagues d'ennemis qui vont t'arriver. Là, la twist qui est intéressante, c'est que tu dois aller te chercher des ressources pour construire cette affaire-là. Fait que tu sais, t'as comme du crafting. Dans le fond, t'as des éléments comme tu vas avoir du métal, du bois... Tu vas avoir de la roche qui est de la brique dans le fond. Là. Ouais. Fait que c'est la base. Ça, c'est pour tes constructions. Puis au-delà de ça, tu vas être capable d'aller farmer des racines, des engrenages qui vont t'aider à crafter d'autres choses, comme des pièges ou des affaires comme ça. Okay. Fait que c'est vraiment intéressant. Donc, en gros, tu fais une bâtisse, puis c'est vraiment là, c'est un système de crafting rapide qui va très bien. Ouais. Tu construis des planchers, des toits, des murs, des portes. Ça va vraiment bien. Il faut que ça aille assez vite quand même. Puis, tu sais, c'est pas... je dirais que c'est bien plus rapide que Minecraft là, quand tu décides de crafter. Ouais. Ça, c'est vraiment là, quasiment instantané. Puis, c'est vraiment intéressant. Donc, moi, ça c'est venu me chercher ce côté-là. Puis, donc, c'est ça. Au début, c'est vraiment ça se passe en 2-3 phases. Là. Au début, tu vas avoir des missions. Va falloir que peut-être que. Ça, c'est une piñata. Hein? Ouais, écoute ça. garde ça pour plus tard, la piñata. Ouais, okay. Mais je vais en parler. Vas-y. Mais donc, dans le fond, il y a un côté intéressant où tu vas crafter tes affaires, tu vas essayer de secourir des gens. Tu as comme des petites mini-missions sur la map. Là, un moment donné, bang, tu as ta grosse mission. Ouais, c'est ça, mais là, est-ce que tu te bats un moment donné? Ouais, c'est ça. Ben oui, c'est ça. Fait que là, cette grosse forteresse-là que tu as construite pour protéger, puis tu as mis des pièges, puis des barrières, puis des clôtures. Là, un moment donné, tu arrives à l'étape où quand tu dis go, ok, là, je suis prêt, bang, tu passes un piton, puis tu as les hordes qui arrivent, tu sais. Ok. Fait que les hordes, là, c'est pas des zombies, tu sais. On va dire, ils ont joué un peu, c'est des husks. Fait que là, dans le fond, Mass Effect, tu veux jouer à Mass Effect, les husks, c'est ça, là. Mais l'histoire là-dedans est pas si intéressante que ça. Le narratif, c'est dans le fond, il y a une méga tempête, puis la majorité des humains a disparu, puis là maintenant, okay, t'as des espèces de créatures. On n'est pas sûr si c'est des aliens ou des zombies, okay, c'est pas clair, mais ça s'appelle des husks. Ben là, je vais te faire perdre ton fil peut-être, là, mais là, je vois qu'il y a une grosse plateforme là, en ce moment, qui est parfaite pour construire, mais ouais, est-ce que tu peux construire n'importe où tu veux dans le monde? Non, tu peux pas construire par n'importe où tu veux. Par contre, mais c'est très, très flexible. Si tu as un arbre qui est là ou une roche, tu dois la détruire avant de construire. Okay. Fait que grosso modo, tu dois mettre ça plein, mais tu peux pas aller, si mettons il y a une bâtisse... C'est ça, fait qu'il n'y a pas de stratégie de où est-ce que tu t'installes. Oui, il y en a une par contre. T'sais, ah, OK. Tu sais, comme par exemple, à des endroits où il y a une pente, tu peux faire un plancher, puis trapper les ennemis en dessous du plancher, puis mettre des espèces de pièges au plafond pour eux autres. Okay. Fait que tu sais, il y en a une stratégie que tu peux mettre. Donc, c'est vraiment intéressant là-dessus. Moi, je suis un crotté. Fait là, ça, c'est un jeu. Ah, ben ça, regarde, il y a des tactiques de crotté, tu peux en faire en tabarnouche. Puis tu peux aussi ça me parle. Tu peux aussi être un rentre dans le tas, tu sais. Je vais juste parler un peu des classes. Ouais, il y a quatre classes, dans le fond, assez straightforward. Un soldier, qui est gros tough guy. Tu as un builder, dans le fond, que lui, il va pouvoir construire plus rapidement. T'en as un qui est comme un gatherer, là, tu sais, dans le fond, lui, il va aller chercher les items plus vite. Puis t'en as un qui est un ninja, là. Fait qu'un ninja, c'est un peu comme le scout dans Team Fortress. Il va vite, il fait des moves. Vraiment le fun. Il y a énormément de progression possible, tu sais. Dans le fond, là, tu sais, l'arbre de skills. Ouais, de tes habiletés. Les habiletés, il est énorme. T'sais, tu vois que ce jeu-là, il était crafté pour devenir un free-to-play. Là, présentement, tu peux acheter le package comme un jeu plein, puis il donne plein de gratuité quand tu l'achètes. Là. Okay. Mais éventuellement, je pense qu'en 2018, ils veulent faire un free-to-play avec. Okay. Mais tous les éléments sont ça, là. Ça s'appelle un Founder en ce moment, j'ai vu ça. Ouais, exact. Ils appellent ça Founders Pack, si tu veux. Ouais. Là, mais tu sais, le jeu est complet, là, en tout cas, totalement là, quelque chose qu'on peut déjà jouer. Puis il y a plein d'affaires. Tu peux pogner des cartes. Tu peux les cartes vont te donner des stats supplémentaires pour ton bonhomme. Tu peux changer tes héros, tu peux changer tes armes, tu peux upgrader tes héros, upgrader tes armes. Et la piñata, ça c'est vraiment hot. Ouais, la piñata. Star, ben, tu peux pas jouer un jeu qui a pas des... Hein? Ouais, c'est loot ça. Box. C'est ton loot box, mais c'est une piñata de lama. Okay? C'est hot. Là, ce qui est vraiment hot, c'est que genre, ben là t'as un arme random, tu fesses dessus, puis t'as comme une chance que ton lama devienne un lama argenté. Fait que tu sais, des fois, tu fesses ta piñata, puis là, elle est comme, oh, what's happening? Là, elle tourne, puis elle devient une piñata de métal argent. T'sais. Là, tu sais, quand c'est ça, c'est des loots rares qu'il y a là-dedans. Ah, okay. Ça arrive relativement souvent, tu sais. C'est pas rare tant que ça, là. Fait, mais ça arrive assez pour que tu dises quand t'en as un, oh oui, j'ai hâte de voir ce qu'il y a là-dedans. Puis t'as des cartes là, qui vont aller là-dedans. Fait qu'il y a un système de collection des cartes, puis c'est vraiment pour te booster tes stats ou des nouvelles armes. Ah, c'est cool. Fait que c'est bien fait. Honnêtement, là, tu peux jouer là, des heures à cette affaire. Là. Moi, ça m'a vraiment plu. Là. Hey. C'est un jeu qui tombait dans mes cordes. Encore une fois, je vais peut-être te faire perdre d'un film, mais j'ai deux questions rapides. Ouais, est-ce que tu as une continuité entre ce que tu construis d'une partie à l'autre ou c'est faut que tu recommences from scratch? Non, à bord, c'est from scratch tout le temps. Okay. Ça dépend de... C'est pour ça que c'est rapide. Ouais, mais la seule affaire, mais tu peux trouver des plans pour un nouveau piège que tu vas pas là, en concevoir toi-même. Non. Mais. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, t'sais, mettons, moi, je fais ma reproduction de l'Enterprise pour protéger. Non, c'est pas comme Minecraft. Là. Okay. Dans le fond, c'est pas vraiment beau ce que tu construis. C'est vraiment juste. C'est une dompe, là. C'est une dompe efficace. C'est bon, que, si tu commences à faire des affaires, à un moment donné, ce qui est le fun, c'est que tu peux toujours avoir l'option de. Si t'es écœuré que c'est trop long, que ton co-op player est en train de builder quelque chose de ridicule, tu peux toi-même activer le truc, là, ça part. Ça, c'est le fun. Okay. Mais honnêtement. Ce jeu-là, il m'a plu, il m'a surpris, je m'attendais vraiment à rien, là, puis une belle surprise, tu sais, j'ai eu du plaisir, je jouais, puis j'avais la misère à arrêter, tu je me couchais avec les tard. Gens? Oui, puis le matchmaking, même si c'est déjà en Thunder, il est super facile, puis quand tu trouves personne, ça m'est arrivé une fois parce qu'il était vraiment trop tard, puis là, il n'y avait plus personne online, mais je me suis matchmaké tout seul, puis la mission a été adaptée à moi tout seul, fait que c'était correct. Fait que ton single player, tu progresses en coop dans le fond. Puis si tu rencontres du monde, ben, peut-être tu fais des missions ensemble. C'est pas trop pénible jouer avec des joueurs qu'on connaît pas. Parce que moi, j'ai plus d'amis sur PS4. Non, mais ça, c'est pas difficile, honnêtement. Puis tu peux te parler. Le monde se parle pas vraiment. Disons que c'est pas Left 4 Dead, là, où genre tu meurs. Fait que tu peux avoir un gars qui part de son bar. Puis à trois, tu peux quand même survivre. Là. C'est sûr que si t'es avec trois pochetons, puis il y a des vagues. Puis il y en a qui callent la wave au début. Ouais, c'est ça. Fait que là t'es peut-être un peu en mauvaise situation. Là. Mais dans le fond, les forces, là, ce jeu-là, il est vraiment original. Tu sais. Il y a des petits éléments de Plants vs. Zombies. Tu sais, il y a un paquet d'affaires, mais le mix ensemble, moi, j'avais jamais vu ça. Puis honnêtement, faut donner du crédit. Là. C'était audacieux. Ça aurait pu être un gros pâté chinois dégoûtant, horrible. Puis non, tout se tient. Wow. Ça fait longtemps qu'il a été annoncé ce jeu-là. Il me semble que ça fait genre 4 ans, 3. Possible, mais ça a dû être long à faire parce qu'il y a tellement de sous-systèmes. T'sais, genre juste les classes, t'as 10 sous-classes de cette affaire-là. Fait, t'as comme 40 sous-classes dans tout ça. C'est peut-être pour ça que présentement, il n'est pas un free-to-play parce qu'il faudrait qu'il ramasse certaines affaires. Ils ont eu des dépenses. Ouais, mais c'est sûr, ça peut coûter cher. Les spaghettes. L'autre affaire, la profondeur de la progression, je vous dis, vous pouvez jouer là, vraiment, vraiment longtemps pour débarrer tout ce qu'il y a dans ce jeu-là. T'sais, c'est vraiment. Puis il y a des quêtes quotidiennes, il y a des quêtes normales. T'sais, ton espèce d'expérience single player est quand même en coop, t'sais, comme c'est la mode ces temps-ci. Les bémols, en fait, les vagues, là, c'est pas si varié que ça. Il y a quelques ennemis spéciaux, il y a à peu près 6 types d'ennemis. J'aurais aimé ça que ça soit plus varié, plus dur. Puis c'est un peu facile si vous avez déjà fait, je sais pas, du Gears of War, multijoueur, tu sais, de wave-based survival, tu sais, ça. Moi, j'ai trouvé ça facile. Mais ça peut être tonné là, dans le futur. Là. Peut-être que aussi, j'ai pas eu une grande progression. Là. J'étais comme au début du jeu. Mais j'ai vraiment hâte de voir où ce jeu-là va s'en aller. Il m'a surpris. J'ai trouvé ça bien intéressant. Là, je donne une note extrêmement personnelle. Ouais. Nicolas Lachapelle. Parce que c'est vraiment venu me chercher, OK? Si vous allez voir en ligne, c'est tellement pas ces notes-là, mais c'est pas grave. Moi, ça m'a plu. Si vous aimez ce type d'expérience, j'ai donné la note de 8.5 sur 10. Yes. Une note approuvée par l'amour de Nick. Ouais, c'est ça. Ouais. There's a lot of love. Mais c'est ça. Mais bon jeu, honnêtement. Ça va l'air le fun. Ben, c'est le fun. On va l'acheter, Monique. Spécifiquement, si on joue avec du monde que tu connais, ça doit être encore plus intéressant. Ben oui, j'ai pas pu faire. Bon, on s'en fait pas une autre. Je t'ai accepté comme ami, là, on joue. Cool. Yes. Fait qu'on va aller à une pause. Ouais. Moi, après ça, j'ai le retour du petit quiz. Et puis, on va vous parler de notre backlog d'été, parce qu'on a joué à pas mal d'autres choses. Yes. Fait qu'on va revenir. Ah. Yeah. All right. Fait qu'on est de retour avec un excellent quiz. All right. Woo-hoo-hoo. C'est pour ça qu'il n'y a pas de musique en ce moment. Ouais, exact. La cassette n'est pas clouée. Fait que je commence avec cette première question. Yes. Là, Fred, come on. Moi, je tiens à dire que mon honneur est complètement à terre. Bruno s'est donné une mission de m'humilier. Puis il est très bon. J'étais sérieux, là. Pour vrai. Il y en a des faciles cette semaine. Merci. Il y en a des faciles. OK? Go. Première question. Lequel de ces jeux n'est pas de Data East? Come on, Fred. Ah, c'est pas super. OK? À l'avance, un come on avec un astérix à côté. Aucune pression. OK. S.A. Captain Silver. B. Airwolf. C. Phantom of the Opera. Ou D. Tumble Pop. Lequel de ces jeux n'est pas de Data East? S.A. Captain Silver, B. Airwolf, C. Phantom of the Opera ou D. Tumble Pop? C'est facile, ça. Nicolas a l'air fâché tellement il sait pas. C'est parce qu'il y a des jeux que je connais même pas là-dedans. Non? Sérieux? Ah ben là. Phantom of the Opera. Ouais. Mais ça peut pas, en tout cas. La fin, il faudrait écrire ça. Hein? C'est ça qu'il faudrait faire. Il faudrait avoir les questions à l'écran. Ouais, puis c'est vrai. Un panneau serait pas pire. C'est une bonne idée. Prochain épisode. Peux-tu me redire toi, c'est quoi ta réponse? Upper Game. Okay. Vas-y. Attends une minute. S. A. Captain Silver. B. Airwolf. C. Phantom of the Opera. Ou D. Tumble Pop. T'as une feuille en arrière de ma feuille parce que sinon tu vas voir mes affaires. Ben moi je vais le dire. Je vais te bypasser. Vas-y. Tumble Pop, moi je vais te dire Phantom of the Opera parce que ça me dit absolument rien comme jeu. Eh bien non, c'est Airwolf. Airwolf, c'était pas... Airwolf, c'est un jeu de Acclaim. T'as raison, il faisait juste Captain Silver, c'est Data East. Phantom of the Opera, c'est Data East. Puis Tumble Pop, c'est Phantom Data East. Of the Opera, c'est sur quoi, ça? C'est sur NES. Phantom of the Opera sur NES. C'est-tu sur NES? Non, c'est pas sur NES, c'est à l'arcade. Ah, ça se peut, ouais. Ouais. Ça fait du sens. Je suis moins arcade, c'est pour ça. C'est pas dans mon full set, ça existe Nick pas. Nick est fâché. Ouais, c'est quoi, c'est comment, Bruno? Désolé, ok. C'était okay. Pas mieux. Le deuxième est peut-être plus facile. C'est en japonais, non? Hey, moi, le prochain, si je demande, c'est qui le méchant dans Mario Bros. 1? C'est Peach? Toad. Qu'est-ce que tu fais là? C'est Mario, passe, on a tout le monde. Ice Toad? C'est ça. Mario tue tout le monde. Ah non. On va faire jouer la toune de Mario Bros. Pour on demander de quel jeu s'agit-il? Hey, okay. Vas-y. C'est du baveux de merde. Fait que... OK, deuxième question. Dans Rigar ou Rygar? Rygar. Dominique Bourret dirait Rygar. Avec un peu de rigueur. Quel stage... Non, dans Rygar, il y a... Il y a un bug dans la version PAL du jeu. Non. Hey, c'est plus intense que les fun facts, ça, là. Tu nous niaises. Sacrement. Vas-y donc. Sérieux, je la trouve pas super, celle-là. Je le dis à un vrai connaisseur, tu sais, wow. Il va le savoir. Ah, mais en pâle. Vous avez des choix de réponse, OK? Vas-y voir, C'est quoi que le bug faisait? OK, okay vas-y, vas-y. Ouais. S.A. Rygar sautait sur place durant le dernier niveau. B. Tous les personnages sautaient sur place. C. Le jeu devenait beaucoup plus difficile durant les derniers niveaux. Ou D. Le jeu s'arrêtait à 25% du boss final. Moi, je dirais... Dans Rygar, il y a un bug dans version PAL du jeu. C'est quoi le bug? S.A. Rygar sautait sur place durant le dernier niveau. B. Tous les personnages sautaient sur place. C. Le jeu devenait beaucoup plus difficile durant les derniers niveaux. Ou D. Le jeu s'arrêtait à 25% du boss final. B. Toi, tu dis B. Tous les personnages sautaient sur place. Toi, qu'est-ce que tu dis, Fred? Moi, je pense que mon coquin t'a essayé de avec les deux réponses qui parlaient de saut, t'as essayé de me piéger, là. Fait que je vais dire que c'est... Voyons donc. À 25% de son énergie, ça meurt. Qu'est-ce que tu dis? Je dirais B, moi aussi. B? Eh bien, vous êtes dans le champ, c'est C. Tabarnak! Le jeu devenait beaucoup plus difficile durant les derniers niveaux. Mais ça, c'est en normal. En passant, ça, là, mes quatre réponses... Mais trois des quatre réponses sont super courtes, puis celle-là est vraiment précis sur ce qui se passe. Fait que je pensais que vous alliez catcher. T'étais comme un petit sneaky. Ouais. La dernière, t'as mis un pourcentage précis, par exemple. OK. Bon. OK. Mais ça se pouvait pas parce que les lot checks avaient déjà été introduits à l'époque. Mais de toute façon, c'est normal que le jeu devienne plus difficile, plus ça avance. C'est surtout ça que je trouve. Ouais. Mais là, durant. En fait, ce qui arrivait, c'est que durant les trois derniers niveaux, c'était beaucoup plus difficile, puis le boss de la fin. Passait genre, admettons, il y avait comme 1082 points à 3082 points. Bon. Fait que ça devenait plus difficile. Écoute, t'en avais pour ton argent. Bon. Je m'excuse. Ah ouais, continue là. OK, deux autres questions. Les deux autres questions vont être plus faciles, je vous le garantis. C'est qui le gagnant à un point? Là, OK. Le classique. Je dis le nom d'un jeu en japonais. Ah, quel est ce jeu? Werudo Ganoman. Je dis le nom d'un jeu en japonais. C'est quoi le jeu? Werudo Gunman. S.A. Gunnak. B. Wild Gunman. C. Gunsmoke. Ou D. Wrecking Crew. Werudo Gunman. B. Gunnak, Wild Gunman, Gunsmoke ou Wrecking Crew. B. Toi, tu dis B, Wild Gunman. Qu'est-ce que tu dis, Fred? Moi, je dis... Wrecking Crew. Je vais dire Wrecking ça moi aussi Crew? Parce qu'il n'y a pas le mot gun dedans, puis t'as dit gun dans ton mot en japonais. Ben c'était Wild Gunman. Une poigne par là, on arrive, une autre c'est ça, on arrive au meta point. La question japonais, on game Bruno. C'est une question pour moi. Ouais, t'as eu Street Fighter aussi. Je les ai pas mal tout eu en japonais. Il y en a un que j'ai manqué. C'est vrai. Mais ouais. Dans le fond, Nick ne l'a pas dit, mais il parle japonais. Puis il comme... Ouais, mais Nick a un japonais en lui. Watashi no namae Nicolades. Tomo arigato, Mr. Roboto. C'est donc bien hot, ça veut dire quoi ça? Sensuel, mon nom est Nicolas. C'était long pour mon nom est Nicolas. Oui, j'avoue. Tabarnouche. Ok, dernière question. Elle est très facile pour vrai. Arrête, man. Arrête. Ok. Quel jeu était originalement sorti au Japon comme une adaptation du film Wheels on Meals de Jackie Chan? Ok. Eh boy. Tu ris comme un vieux mononcle, man. Bruno. Non, vous avez les kids. Un vieux mononcle Salas, c'est là qui te fait du plaisir, man. Dans le prochain ça, c'est Bruno qui pose ouais, les questions ça. Au monde. T'sais. I want to play a game. Ok. Quel jeu était originalement sorti au Japon comme une adaptation du film Wheels on Meals de Jackie Chan? S.A. Kung Fu Master. B. Yi Ar Kung Fu. C. Karateka ou D. Karate Do. Quel jeu était originalement sorti au Japon comme une adaptation du film Wheels on Meals de Jackie Chan? A. Kung Fu Master, B. Yeah Kung Fu, C. Karateka ou D. Karate Do? Est-ce que vous savez c'est quoi Karate Do? Non. C'est Karate Champ. Je me disais, je vais vous fourrer avec celle-là, puis je vais écrire Karate Do pour voir à quel point vous êtes hardcore, mais finalement, je vais vous le dire, c'était Karate Champ. Je pensais que c'était juste une réponse que tu avais mis là pour nous faire participer pour des cartes. C'est tous des jeux, c'était... Peux-tu redire les titres? C'est tous des vrais jeux. Kung Fu. Ouais, c'est tous des vrais jeux. Non, je sais, mais je veux dire, c'est tous des jeux standalone qui avaient du sens. Exact. Et tu viens de péter. Hein. Kung Fu Master, Year Kung Fu, Karateka et Karate Champs. Des jeux qui sont sortis à l'arcade et ou NES et ou Commodore 64 et ou Atari. Moi, je vais dire A. A, Kung Fu Master. Toi, Nick? Non, ben, je vais avec A aussi. Kung Fu Master aussi. Toi, GF? Pas le temps de finir de checker sur Google, fait que je vais dire A moi aussi. Ah! Ben vous avez raison! Ah ben trop! Yeah. C'est Nick qui gagne. T'as vu? Bravo! Nick gagne avec un point de 2 sur 4. Hey, on va au moins la mettre pour notre victoire finale. Eh hey, oui! Bravo! Oh, yeah. Bravo! Je suis content que ce soit toi qui gagne, Nick. Ça fait plaisir. Merci, Fred. Ça m'en prenait une, tu sais. J'ai eu. Après toutes ces sévères humiliations semaine après semaine. Je vous garantis, là, le prochain, il va être. On te croit tellement pas, man. Non, mais ça va. Ça, oui, ça va être humiliant à quel point il va être facile. On va dire, mais ça peut pas être ça, c'est ça. Je pense que le prochain, là, à place d'avoir 4 questions, il va avoir 6 questions. Ça va tout être des questions de type 3e année. Puis, Ben, ça va être plus humiliant que d'autres choses si on se trompe. C'est ça la fin. Ouais, exactement. Fait que là, l'humiliation va être plus forte. Je pourrais, en fait, avant de faire le quiz. Je pourrais vous dire, admettons, là, on s'attaque juste au Genesis, ou là, on s'attaque juste à Sonic, ou là, on s'attaque juste à... Il y a quelqu'un dans le chat qui dit que tu devrais avoir un groupe test avant de poser des questions. Ou du moins, juste valider le mot facile. Ça me donne énormément de plaisir. Je sais pas c'est qui, mais je trouve qu'il y a bien du sens. Ouais. Mais ça me procure tellement de plaisir de faire cette affaire-là. C'est ça que... C'est le fun, Bruno, c'est le fun. On aime ça, refaire remettre à notre... Non, de toute façon, c'est ça que notre agent avait dit, hein. On veut plus d'humiliation sur le show. Exactement, c'était le point A d'un bullet point. On le paye cher, cet agent-là, en plus. La route vers le succès. Fait que pas le timer, Bruno. Des embûches et de l'humiliation. Sur ce, on part une discussion excellente sur notre backlog. Parce que l'été, c'est fait pour jouer. Non, en dedans, tabarnouche. Ben, c'est une Switch, tu peux jouer dehors, là. Ouais, exact. C'est une Switch, tu peux jouer dehors, c'est vrai. Puis on voit bien, quand même, dehors avec une Switch. Mais on n'est pas venu pour parler de ça. On est venu pour parler de notre backlog, parce que... Avec tous les jeux qui sortent back-à-back, là, puis à Rétro Nouveau, Colin, on perd jamais de temps, puis on est tout le temps en train de critiquer des jeux par-ci, par-là. Ouais. Là, on a le temps de respirer un petit peu plus, puis on a le temps de jouer. Fait que, je vais commencer le bal, dans le fond, parce que moi, j'ai profité de la gratuité du PlayStation Plus. Il y avait deux gratuités, en fait, que j'ai participé, mais je vais commencer par la première. J'ai joué à Until Dawn pas mal. Ouais, c'est ça. Qui était un jeu que j'avais commencé une partie, mais j'avais loué le jeu, puis je l'avais pas terminé. Fait que attends, là, j'ai recommencé au complet. Ouais, je loue ça, moi, des jeux. C'est le fun, louer des jeux. Moi, je vous invite. Il y a personne d'autre à part Bruno qui. Mais non, mais je vous invite fortement à louer des jeux. C'est le fun quand tu sais pas à propos d'un jeu. Tu sais pas si c'est bon ou c'est pas bon. Il n'y a plus de démo, Colin. Il n'y a plus de CD, il n'y a plus de revues. Il y a ça, il n'y a plus de clips vidéo. Ah ouais, exact. Ça où, t'es non, y a... Vidéotron est encore un redoutable. Il y en a beaucoup moins, par exemple. Microplay, là. Ils ont fermé à Longueuil. Ah, écoute, s'il y a un microplay à Pointe-aux-Trembles, il y a un microplay n'importe où. Peut-être. Words of wisdom. Colin. Mais non, ça a l'air bien. Moi aussi, je l'ai mais pris. C'est vraiment... Sérieux, c'est vraiment bon. En fait, ceux-là qui n'ont jamais joué, Until Dawn, c'est un jeu de c'est comme une simulation d'horreur. C'est un jeu d'horreur. Puis les gens qui ont créé ce jeu-là, ils ont créé un jeu qui rend hommage à peu près à tous les clichés des films d'horreur. Fait que ça se veut vraiment là, un hommage aux affaires les plus cheesy. Les personnages, tu sais, tu t'arrives... dans le fond, ce qui se passe, c'est que tu t'en vas sur une montagne dans un vieux chalet avec des amis. Il y a 8 personnes, je pense, 8 jeunes. Puis les 8 jeunes, on va les incarner, les 8. puis tu vas prendre contrôle du personnage, tu vas pouvoir avancer, puis après ça, tu vas avoir des choix à faire. Tu vas parler à une personne, puis elle va dire « Ah, qu'est-ce que tu fais? Tu fais ça ou tu fais ça? » Puis tu fais des choix. Dépendant de tes choix, ça va changer le cours de l'histoire vraiment. S'il meurt ou non. Exact, s'il meurt ou non, puis comment ils vont mourir s'il meurt. Puis aussi, t'as l'effet papillon aussi dans ce jeu-là qui fait que chacune de tes actions vont changer quelque chose dans le cours de l'histoire. Fait que même au début des premières 30 minutes du jeu, à un moment donné, il y a un gars qui dit « Ah, il y a un 12 qui est là, qui est comme un stand de tir. » Puis tu vois, à quelque part, tu vois une cible. Puis d'un autre côté, tu vois un écureuil qui s'arrête sur une bûche. T'as le choix de shooter l'écureuil ou de shooter la cible ou tout simplement de rien shooter. Ben moi, j'ai décidé de tuer l'écureuil. Parce que, tu sais... Parce qu'on est dans un jeu vidéo. Sauf une fois au chalet. Exact, tu sais, ça veut dire, il donne le choix. Fait que là, tirer l'écureuil pour voir s'il y aurait du gore, quelque chose. Il y a eu du gore, c'était dégueulasse. Puis finalement, ça m'a mis l'effet papillon à l'écran, puis ça m'a dit, ben, tu viens de mettre la les écureuils sont à dos à toi. Ouais, c'est ça, c'est juste ça, ça va changer des choses dans le cours de l'histoire. Squirrel King. Ouais, Squirrel King, exact. Puis c'est ça, bref. Pas de notre job pour toi. le jeu est super le fun. Il y a vraiment une bonne twist. Ce qui est le fun, c'est que... Je trouve que c'est le fun à jouer. C'est pas comme un Telltale, en fait. On donne l'impression que c'est ça, mais... C'est plus gory. C'est ça, c'est plus simple, c'est plus gory. Puis il y a plusieurs twists dans le jeu qui fait que... Même si le jeu est rempli de clichés du cinéma d'horreur, c'est un film d'horreur très bien écrit. C'est ça. Moi, ce que j'étais content qu'il donne, c'est que c'est un bon jeu à jouer avec ta blonde. Oui, en gang aussi. C'est pas vraiment des skills, c'est comme des calls. Puis tu peux prendre le temps de faire comme « Hey, tu peux en discuter. » C'est pas qu'on a été tilté ou que des fois, t'as un timer puis c'est comme « Réponds maintenant. » Ouais. T'as quelques quick time et tout. Mais bon, je pense que c'est un très bon jeu justement de couple à jouer justement parce que c'est très bien fait, c'est bien réalisé et tout. Ah, moi, ma blonde, elle restait à côté, puis là, un moment donné, je passais de quoi de juste trop creepy, puis elle faisait « Ah, fuck it, je m'en vais. » Ouais, c'est ça. Quand t'as tué l'écureuil. C'est juste trop. L'écureuil, c'était trop. T'avais rien fait. Ouais, ça, oui, il y a une bataille de boules de neige aussi au début. J'ai pitché une boule de neige d'en face d'un gars. Ça, c'est un jeu d'horreur. Ça n'a pas passé. Un jeu d'horreur. Hey. Ouais. Fait que c'est ça, mais j'en dirai pas plus, sérieusement. Ah non, faut le jouer, ouais. C'est gratuit ce mois-ci sur PlayStation Plus. Profitez-en parce que le mois va finir bientôt. C'est vraiment une des meilleures offres. Genre aujourd'hui. PlayStation. Eh oui, c'est vrai, on est 31. Écoute, ça bon, ben désolé. Ouais, achetez-le. C'est demain, je pense que c'est le mardi. Hein, c'est ça. Il est pas cher. Ouais, voyez, genre 20 ça cette nuit. Maintenant, là. Ça vaut la peine. Sinon, louez-le. Ouais, louez-le. Trouvez un club vidéo qui existe encore. Ouais. Moi, je vais enchaîner là-dessus parce qu'on a pas mal de jeux. Ben oui, certain. Moi, c'est les vacances. Fait, qui dit vacances dit je vais amener ma Game Boy à la plage. Ben ouais. Fait que j'ai amené ça au chalet, moi aussi. T'sais, on reste dans la thématique chalet. Ouais. Fait que, évidemment, j'ai joué à Metal Gear, mais je m'étais dit aussi que j'allais enfin finir Metroid Fusion parce que t'en avais parlé l'autre fois et tout. Puis j'ai amené ça, puis j'ai vraiment pogné les nerfs. Sur... Je me suis rendu peut-être aux deux tiers du jeu. Parce que t'arrives avec le boss qui est comme qui ralentit, puis qui fait que c'est comme sur l'ombre, puis il faut que tu le tires comme en angle dedans. Puis ce petit boss-là, genre. Mais c'est top avec les contrôles que t'as aussi. Les contrôles, la console et tout, puis il te manque toujours comme une petite affaire d'énergie pour être capable de survivre. Puis il est vraiment chiant, puis il slow down. En tout cas, ceux qui ont joué au jeu, ils savent de qui je parle. C'est une espèce de créatures organiques, robotiques, avec des pouvoirs psychiques. Est-ce que c'est n'importe quoi? Puis honnêtement, ça les mouvements sont durs à voir venir aussi, si je me trompe pas de boss. Il te suit, mais à un moment donné, si tu le fais, tu peux le faire dévier. Puis là, à un moment donné, il est complètement off-pattern. Puis là, il fait juste te taper, puis tu meurs. Puis c'est toujours vers la fin. Est-ce que c'est vraiment frustrant? Fait que j'ai vraiment pogné les nerfs là-dessus, mais au moins, il a fait très beau dans mes vacances. Fait que j'ai pas eu à... Il n'y a pas eu de pluie, fait que je me suis pas comme pété la face pendant des heures là-dessus. Ouais, c'est mais ça. Reste que c'est quand même un excellent jeu. En fait, j'essaie de le terminer justement pour me préparer pour le prochain qui s'en vient sur 3DS, justement. Ouais. Metroid Samus Returns. Mais quand même, je recommande aux gens, mais préparez-vous. Là. Il faut vraiment que tu te fasses un paquet d'énergie avant ce moment-là, parce que c'est comme dans un moment du jeu qui est très linéaire. Là. Donc, ça m'a un peu coincé, mais bon, j'avais d'autres jeux avec moi à jouer là, pendant mes vacances au chalet. Ouais, je comprends. Tu sais, moi, je vais enchaîner. Il y a toujours les ventes Steam, tu sais. Puis cette année, j'ai été. Cette année, j'ai été vraiment, vraiment raisonnable, tu sais. Mais il y a un jeu que j'ai acheté. 800$. Ouais. non, sérieux, j'ai acheté un jeu à genre 2$ ou 1$, je sais plus. C'était Wolfenstein 3D. Oh yeah! L'original, tu sais. Oh, là, je me suis dit, hey man, ça va être malade, je vais jouer, t'es coeurant. En VR. Là, je boot ça. Ça va être malade. Là, les contrôles, tu sais, le first person shooter de Wolfenstein 3D, c'est horrible, man. Ouais, ouais, c'est old school. C'est horrible, horrible. J'ai essayé, tu sais, une soirée de voir comment je pouvais faire marcher ça, puis revivre l'expérience. Ah, ça n'a pas de bon sens. Ça marche pas. J'ai pas revécu aucune expérience. Non, c'est ça. J'étais là. Mais voyons, non. Le pire, c'est que je trouve ça dommage parce que les graphiques, c'est encore cool, tu sais. Ouais, non, ça look. Tu sais, genre, la façon dont ça bouge, on sait que c'est le plancher, plafond fixe, puis c'est juste les murs, mais tu sais, c'est bien correct, là. Ça m'aurait pas dérangé. Je voulais vivre ça. Mais les contrôles étaient juste horribles. Tu sais, le strafe. Ouais, comme, avec le bouton. Là. Ouais, c'est ça. Tu peux pas vraiment regarder avec le mouse look. C'est ça. Et le mouse look, il l'avait mis dans Doom. D'ailleurs, il y a une version de Doom qui était cohérente, qui est genre. Comment ça s'appelle? Final Doom? Non, et quelqu'un qui a modé Doom. Un mod. Hey, t'as pas. C'est Doom. Pas Doom Hardcore. Doom. En tout cas, c'est vraiment intense. Faudrait que je le retrouve d'ailleurs. Doom bourré. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui m'avait montré ça. Mais en tout cas, notamment, il avait rajouté le mouse look. C'était vraiment. Ben, c'est ça, je veux dire, moi, je. Mettons, tu rejoues à Quake. Quake, c'est jouable, tu sais. T'as quand même. T'as une base de first-person shooter moderne, tu sais, que pour moi, ça a été vraiment. La coche de plus, tu sais. C'est juste. Graphiquement, c'était même beau parce que c'était très, très pixelisé. Ouais. Même, c'était du 3D, tu sais. Mais. Wolfenstein, c'était juste pas jouable. Non, ça m'a dommage. C'est un jeu-là, il a été booté et va mourir dans ma librairie Steam. Ah ouais. Est-ce que t'as trouvé qu'il y avait plus de couleurs sur ton clavier mécanique que dans le jeu? Probablement, tu sais, sérieux. Fait que non, je me suis rivé sur des vieux amours. Il faut les jouer sur console, ceux-là. Ouais, c'est ça. Tu sais, honnêtement, c'est pas un backlog, mais je vais le dire. J'ai vraiment fait littéralement. Alors, oublie ça, man, je vais booter League of Legends. C'est ça que j'ai fait. C'était une pièce. Ça faisait longtemps que j'avais pas joué, tu sais. Ah ouais? Fait que j'ai booté League of Legends, puis j'ai commencé à jouer, tu sais, puis ça marche, c'est bien, c'est bon. Il y a plein de personnages que je connais pas parce que ça faisait genre un an que j'avais pas joué. Ah ouais? Mais hey, ça marche. Ah, c'est nice. Ça marche encore. Ouais, ça marche encore. Moi, j'ai aussi joué au nouveau Crash Bandicoot. Ouais, ça va être cool, Insane Trilogy. C'est vraiment un jeu qui te démolit. Ben ouais. Le premier Crash, en fait, parce que tu te dis, ben j'ai une trilogie HD, fait que je vais commencer par le premier. Puis tu te rends compte que le premier est vraiment, vraiment hardcore, que ça n'a pas de bon sens. C'est beaucoup plus difficile que quand t'étais petit. C'est ça. Dans Uncharted 4, là, quand tu joues à Crash Bandicoot dans le jeu, là, quand il y a ce bout de méta-là. Ouais, t'es pas bon. Hey, moi, j'étais comme crime. C'est moi qui est pas, il faut que je passe le tableau parce que là j'étais comme je commençais à freaker out, là j'étais là non c'est pas ça va pas là je peux. Mais c'est ça, et j'ai appris par la suite que l'affaire c'est qu'ils ont mis les contrôles le premier, ils ont mis les contrôles du deuxième puis du troisième en fait. Puis c'est ça qui fait que c'est plus difficile dans le premier à cause que le jeu est pas adapté à ces contrôles là. C'est un jeu qui demandait d'avoir des contrôles beaucoup plus snappy. Il n'y avait pas le dual access dans le temps. Non, c'est ça. Fait que c'était vraiment la manette PlayStation. C'était sur le D-pad que tu jouais. Pour ceux qui sont assez vieux, ils se rappellent. Puis c'était une super belle manette. Là. Ouais. C'était juste le D-pad. C'est quelle belle manette celle-là. Là. Ouais, je l'adorais. Mais manette. C'est juste qu'au niveau 3D, c'était limité. Là, mais waouh. C'est un bel objet. Mais une fois que tu sais ça, que le premier est vraiment, c'est un peu trop tough, tu sais, surtout quand t'es rendu dans le fameux tableau d'Inzer avec avec le pont en corde, là, ça devient insupportable. Fait que là, je me suis dit, ah, comme, fuck this game. Puis là, j'étais vraiment fâché. Je me disais, comme, Colin, je viens d'acheter ça. Ça va l'air cool. Là, j'étais vraiment en piste. Puis là, finalement, j'ai lu online. Non, t'es pas le seul. Il y a beaucoup de monde qui vivent la même chose que toi. Un groupe de support en ligne. Ouais, c'est ça. Mais il disait, tu sais, il y a un vrai problème. Le problème est. MIRC, t'as été, c'est ça? Ouais, exactement. MIRC chat. Channel Terrebonne. Channel Terrebonne. Shout out aux gens qui étaient dans le channel. Hashtag Terrebonne. Mais c'est ça, finalement, j'ai commencé le deuxième par la suite, puis là, tu pognes vraiment de quoi, c'est fantastique, c'est vraiment bon, c'est beau, c'est agréable, ça a vraiment bien passé l'épreuve du temps. J'ai pas encore commencé le troisième, qui était mon préféré de la trilogie, j'imagine, comme bien du monde, là. Warped. Ouais. Mais dans le premier, tu peux pas jouer avec le D-pad, tu peux pas... Oui, tu peux, mais le problème, c'est le saut. Ouais. Ton saut, t'as de la misère, t'as de la misère à voir où est-ce que tu vas lander. Fait que ce qu'il faut que tu fasses, faut que tu désapprennes à jouer à un platformer. En fait, faut que tu anticipes ton saut. Okay, okay, okay. Fait que dans le fond, toi, faut que tu sautes pas sur le bord, faut que tu sautes un petit peu plus loin du bord. Okay. C'est vraiment fucké. Puis là, ça fait que tu comprends plus ce que tu fais, en fait. Puis dans Crash. La façon que les tableaux défilent, ouais, t'as pas le choix de... t'as une fraction de seconde c'est pour ça. Penser à ce que t'as à okay. faire. Fait que c'est vraiment, c'est vraiment difficile. C'est un pensez-y bien. Ouais, ouh! Ouais. Mais c'est exactement ça. Mais le package complet vaut vraiment, vraiment non, la peine. Clair, t'sais. Puis le premier, il y a du monde qui le font sur YouTube puis qui font le frais avec ça. Puis c'est comme, ah, oh, j'en ai fini. Puis dans les comments, t'as plein de monde qui font comme, comment tu fais, tabarnak? Non, c'est ça. Avec cette voix-là. Puis le deuxième puis le troisième, c'est vraiment, vraiment bon. C'est un beau package. C'est super beau. Ça te montre aussi que cette licence-là pourrait très bien revivre, puis il pourrait avoir un bon revival de Crash, puis j'imagine qu'il pense peut-être à ça. Là. Mm. Puis là, je me demande, c'est plus un exclusif à PlayStation depuis que ça appartient à Activision. Mm. Fait que je ne sais pas s'ils vont laisser ça sur PlayStation ou s'ils vont en faire une grosse licence. Parce que là, Activision, ils ont dit comme, ah, ben on va voir comment ça va aller, puis on va c'est comme un test, cette trilogie-là. On sort ça, on met ça dans le vide, puis on voit, bon, qu'est-ce qui va se passer avec ça? Est-ce que c'est une version Xbox One qui tease, ou est-ce que c'est une vraie grosse aventure de Crash? Je sais pas. Oh. Mais, ou Bring Back Crash Team Racing, malade. Crash Team Racing Insane Trilogy. Ouais, Insane Trilogy. Fait que c'est ça. Fait que Fred. Écoute, parlant de paquets bien ficelés encore. Ouais, ça, j'aime ça. Cette expression-là. L'expression du jour. Écoute, moi, je suis arrivé en 2016 cet été. J'ai commencé à jouer à Overwatch. Ah ouais. Moi, j'ai trouvé Overwatch dans une vente de garage à 10$ sur PS4. Puis j'étais comme, oh, cool. Puis écoute, j'ai commencé à jouer à ça, j'avais jamais joué. Puis c'est vraiment le fun, écoute, j'aime bien. Alors même si il y a encore du monde qui joue à Overwatch en passant, donc évidemment vous êtes au courant, tout le monde qui sont en 2017. Puis c'est vraiment le fun, j'ai bien aimé. D'ailleurs, au début j'avais pas compris dans les tutoriels qu'à un moment donné on te faisait jouer un match contre des bots. Fait que, tu sais, j'ai commencé à jouer puis j'étais avec des enfants, là, clairement des petits jeunes avec des petites voix vraiment... Ok. Pas très développé. Puis là, la game est partie. Puis là, tu sais, j'ai vraiment torché l'autre équipe. Là. J'ai tué tout le monde, là, des gros killstreaks. Puis là, j'étais comme, crème, je suis bon à ça et tout. Puis là, tu sais, je me sentais vraiment. J'étais comme, crème, je suis peut-être en retard dans Overwatch, mais je suis vraiment top-notch player. J'étais comme super fier. Puis là, après ça, t'as le match replay là, du game of the. The play of the match. Ah ouais, ça, c'est cool. Puis là, c'était moi, genre, qui dégommais, genre, les 5 gars de l'autre équipe d'une shot. Puis là, les kills qui étaient dans le matchmaking avec moi, t'es comme, wow! Il trippait là, et j'étais comme, man, c'est malade. Puis là, après, on est arrivé au scoreboard, puis j'ai vu que c'était des AI. Là, j'ai fait comme, oups. Après ça, j'allais dans le jeu, j'étais un petit peu moins bon. Mais c'est intéressant. Moi, je pensais qu'il y avait plus de progression que ça, mais tu sais, c'est vraiment, on dompe dans le jeu. Ouais, tout est là, puis débrouille-toi un peu. Ouais. Puis, mais c'est fun, non? J'aime bien le coup de côté, justement, rapide. Tu sais, moi, l'été, j'ai pas beaucoup de temps pour gamer souvent, tu sais. Puis. Ça me permettait vraiment de... OK, là, j'ai une heure là, à tuer, fait que j'ai comme une heure de gros stock qui passe, puis c'est pas long, tu sais, c'est quick play, tu rentres dedans, puis c'est vraiment satisfaisant. Là. Ça m'a fait passer du bon temps. Ben, c'est un beau jeu, ça fait peut-être 6 mois que j'ai pas joué, mais là, tu me donnes le goût de ouais, non, c'est ça. Ouais, retourne à ça. Là, fuck League of Legends. Exact, c'est ça que je vais faire. Mais anyway, tu sais, moi, j'ai des belles résolutions de backlog, ça va être malade, tu sais. Ouais. Il y a plein de jeux que je veux jouer, puis... Ce que j'ai fait, c'est là, Street Fighter, deux nouveaux personnages. Il y a Ed, qui est un nouveau personnage qu'ils ont introduit avec des contrôles différents. Je pense qu'il est rentré en mai ou quelque chose de même. Puis Abigail récemment. Là, Abigail. Puis Abigail, il était dans Final Fight. Puis c'est vraiment un gros badass dude avec du maquillage, tu sais, qui a l'air d'un fan de métal. D'ailleurs, sa musique de background, ça a l'air, c'est comme du death metal. Du Pantera. Oh, yeah. Oh, ouais, fait que. Mais il est tellement gros dans l'écran, tu sais, il prend tout l'écran. Là, ok. Puis genre, il arrive par-dessus ta barre. Ouais, tu sais, il est big. Ça ressemble un peu à Juggernaut si vous avez déjà joué les de Capcom. Mais honnêtement, c'était le fun, c'était satisfaisant parce qu'à chaque fois qu'il sort un nouveau personnage, tu sais, tout le monde est poche en même temps parce que tout le monde va pogner ce personnage-là pour apprendre. Fait que tu sais, c'est le bon moment. Fait que là, la semaine passée. Ah, c'est cool ça. J'en ai fait pas mal de Street Fighter, puis ça faisait du bien. Un petit bout, j'avais pas touché correctement, puis fixe. un petit fixe de Street Fighter, fait que ouais, mais pas ma main originale, tu sais, sérieusement. J'ai été revisiter mes classiques là, mais il faisait beau puis c'est ça. Ah, donc, ah c'est bon ça. Ah, ouais. Moi j'ai j'ai succombé à Puyo Puyo Tetris sur ouais, la Puyo, Switch. Puis je suis vraiment épouvantable à Puyo Puyo, j'arrive pas pantoute à jouer à ce jeu là. Non. Mais Tetris, j'adore ça. Puis t'as le choix dans ce jeu-là, en fait. Tu peux jouer à Puyo Puyo ou à Tetris. Mm-hmm. Puis il y a un mode histoire, il y a un mode carrière, il y a une tonne de modes multijoueurs. Le mode en ligne est extrêmement bien fait avec une progression puis des récompenses toutes les fois. Fait que j'ai vraiment mis beaucoup de temps dans ce jeu-là. Puis même, c'est le fun parce que t'as comme un Puyo Puyo Tetris fusion où les modes se mélangent puis où tu peux mélanger du Tetris puis du Puyo Puyo. C'est vraiment intéressant, c'est vraiment le fun. Des fois, tu tombes aussi sur du monde en ligne qui comprennent pas plus que toi ce qu'ils font. Parce que tu peux voir aussi leur tu peux voir c'est des débutants aussi du monde que ça fait un bout qu'ils ont joué à ça. Mais moi, je trouve le package est vraiment complet. Puis, tu sais, je sais que tu avais vraiment parlé en bien de Street Fighter et tout ça. Puis, tu sais, même je questionnais sans arrêt le fait comme pourquoi je paierais 40$ pour un jeu que je paierais normalement 8-10$, tu sais. Mais là, tu le vois. C'est un package complet. C'est une expérience vraiment, tu sais, tight. Là. Tu arrives dans tous les modes. Il y a tout le temps ficelé, quelque chose. Un petit paquet bien ficelé, Colin. Ah ouais, ça, faut que ça reste. Mon gars, oublie jamais ça. Il faut s'en rappeler. C'est magnifique. Mais non, c'est vraiment... C'est un beau package. Tu ne peux pas te tromper avec Tetris et Puyo Puyo. Non, vraiment pas. Mais tu sais, même, je veux dire, visuellement, la façon qu'ils ont fait ça, la trame sonore... le matchmaking online, là, c'est tight, c'est vite. Il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de niaisage. Ah ouais. C'est cool, ça. C'est vraiment cool. Puis tu peux aussi jouer en mode Switch que tu mets sur ta table puis tu joues avec deux manettes. Tout ça, c'est vraiment le fun. Un bon 40$. Un très bon 40$ bien dépensé. Moi, sinon, j'ai fait le ménage de mon gaming room, puis j'ai tout... là, il y a ma copine qui est déménagée, qui a amené un sofa sectionnel et tout. Fait que là, j'ai tout réinstallé mon gaming room. J'ai installé mon moniteur PVM pour être capable de vraiment gamer, tu sais, comme à deux pieds de la télé. Là. Ouais. Fait que là, je suis en train de tout préparer mon setup. Là. Je peux pas encore me lancer dans le NES. J'attends mon top loader modifié pour pouvoir, cajoler ma grise comme il se doit. Même chose pour mon Genesis, je me suis acheté une montagne de gros jeux de Genesis, des Splatterhouse, Streets of Rage, en tout cas un paquet d'affaires. J'attends juste d'avoir les bons cadres pour réparer pour pouvoir un Streets of Rage normal, c'est-tu bien cher? T'sais? Le premier, il a monté de prix, mais tu sais, on changerait ça, je donnerais des hints. C'est juste c'est un bon jeu, il a monté. C'était, au début, ça a commencé dans les 10-15$, puis là, c'est rendu dans les 40 des fois. C'est un peu étrange. Ils en ont vendu de la copie dessus. Quand même. Il se trouve sur des compilations, des fois, genre 6 jeux en 1, 6 game packs, ça vaut rien. Ça, c'est une dizaine de dollars. Ça vaut la peine si tu veux le jouer. Moi, je l'ai sur PS3. C'est ça. Oui, la compilation sur PS3 était 40. Mais moi-même, je l'avais acheté standalone sur PS3. Moi, j'ai acheté le pack. Bref, j'ai réinstallé tout mon setup. Puis là, je me suis lancé dans le Super Nintendo parce que là, c'est ça qui a été setté up. J'ai parlé de Demon's Crest. Je build mon backlog un peu. Je suis rendu dans une lancée des jeux de Capcom là, en ce moment. J'ai fini Knights of the Round. Je me suis lancé dans Marvel War of the Gems, qui est une espèce de beat'em up, un peu comme le jeu de X-Men qu'il y avait, mais avec les personnages de Marvel. Mais il était pas payé, je trouve, ce jeu-là. Il est bon, c'est ça. C'était comme... c'est un top-down view, dans le fond, celui-là? Non, c'est un beat'em up side-scroll avec des moves de Street Fighter, un peu comme le jeu d'X-Men. C'est juste que tu penses que c'est un jeu de combat à cause que c'est sorti en même temps que Marvel Super Heroes. Ouais. Puis non, dans le fond, c'est vraiment un beat'em up. C'est super intéressant. Mais c'est vraiment, je commence à me builder mon stack de jeux là, pour discuter ici. Mais c'est ça. Fait que bref, là, c'est un Super Nintendo, Next Step Genesis, Next Step NES. Là, le rétro, comme... c'est ça là, qui se passe. Yes. C'est ça qui se passe. Malade. Toi, Nick, t'as-tu d'autres choses? Ben, peut-être une dernière affaire, en fait. Le grattage fameux, de nombril. Ben, j'ai fait un peu de Unknown Player Battlegrounds. Unknown Battlegrounds. Qui est rendu super populaire aujourd'hui. Ouais. Guys, vous l'avez entendu à Retro Nouveau en premier. C'est vrai, c'est le phénomène de l'heure. Tout le monde est rendu bon. C'est genre Retro Nouveau exclusive. Ouais, c'est ça. Là, j'arrive après plusieurs. Ouais, peut-être une couple de semaines d'absence. Là, comme, le monde a du Gears de fou. Ils ont investi. Ils ont acheté. La map est sortie, la nouvelle map qu'ils devaient avoir? Non. Pendant qu'ils ont juste teasé. Okay. Ouais. Fait que. Peut-être qu'elle est là. Là. Ouais, mais, c'est ça. Non, mais je sais pas. Moi, j'attends la version console parce que je suis cave. Ben, je sais. Moi, j'aime pas les first-person shooters. Pas les first person. Non, les shooters, pas, sur, les shooters console. Sur console. C'est pour les très vrais. Rare, t'sais. C'est pour les vrais. Mais il y a le aim assist des fois que je trouve. Non, il est vrai, là. Ça. Ok, ben regarde. Mais anyway, fait que là, à cette heure, j'étais pas bon, tu sais. J'étais. Même si j'ai joué au début, j'ai pas assez joué. Fait que tout le monde est rendu des chefs. Non, non, c'est clair. Me fait buter, ces même, affaires-là. Ça dure pas longtemps ta fenêtre de succès. Ouais, tu sais, puis imagine, toi, t'es bon là-dedans. Je suis correct. Moi, c'est pour ça, quand j'arrive là-dedans, là, je désespère rapidement. Ouais, mais ça fait ça, hein, c'est comme les fameux rêves là où t'arrives sur un champ de bataille tout nu. Tu sais, le rêve que tout le monde a. C'est là qu'on se parlait autrefois. Non, mais tu sais, t'arrives souvent à quelque part où t'es justement, t'es underpowered. Là. Ben, la seule affaire qui est le fun dans ce jeu-là, c'est quand tu meurs, tu dis « Ah, oh, tu quittes ta game » puis t'as un matchmaking instantané quasiment. Ouais. Après ça, il y a quand même, c'est long avant d'entrer dans une game. Là. T'arrives, là, tout le monde load, puis là, tu pognes les armes, tu t'approches. Ouais. Là, après ça, tu rentres dans l'avion, puis tu t'en vas. T'sais. Fait qu'il y a un flow assez long, mais t'es pas obligé de regarder là, les 100 personnes se tuer. T'sais. Ouais, c'est ça. Ça, c'est quand même intéressant. Ouais, ça, c'est exact. Fait que y a ça qui était le fun, mais tu sais, justement, le monde a progressé pas mal. Là, ouais. Puis tu sais, je m'aperçois, c'est ça, comme... Ça t'apprendra d'avoir une vie. Oui, c'est ça, tu sais. le monde des jeux vidéo est cruel pour ceux qui font autre chose que jouer. Ah, tellement, là. Je me rappelle un temps, je faisais juste ça, jouer, tu sais. Ouais. C'est ça, c'est les jeunes, ouais, là. Je suis plus capable, je suis triste. Plus, ouais, c'est comme... Tu te rends compte, t'es plus capable de suivre. Ah non, c'est comme grand-papa B, tu sais. C'est du tabarnouche. Pauvre grand-papa B. Je peux plus faire ça. Non, c'est fini. Ouais. Fait que moi, en tout cas, je vais te parler d'un jeu que j'ai joué. Puis t'as pas besoin d'aucun skills. Ah, tu peux être le joueur le plus casual au monde. Ça s'appelle It's You. Solitaire. C'est un jeu. C'est un jeu qui. C'est ça. C'est exclusif à la PlayStation 4. Puis c'est un jeu, en fait. Ils ont sorti ça. Ça commence à être de plus en plus populaire, les jeux auxquels tu joues avec ton téléphone sur une console. Parce que tu peux inviter n'importe qui vient chez vous. Puis, hey, venez jouer à ça. Tu sais, nous autres, on trippe bien gros sur Jackbox. Jackbox, c'est bon. Jackbox, c'est écœurant. Fait qu'on veut d'autres jeux dans le genre. It's You, c'est un jeu dans le genre où. Chaque personne va sélectionner une carte. Après ça, il va prendre une photo de sa face. Une photo de sa face. Puis là, tu peux mettre des filtres bizarres sur ta face pour juste avoir une face weird, déformée, drôle. Puis après ça, tu vas rentrer dans le jeu. Puis le jeu, en fait, c'est une série de questions. Fait qu'admettons là, qu'on joue là, nous quatre, qu'on est là à soir. Puis là, ils vont poser la question. C'est qui est le plus pissou dans la gang? Là, tout le monde envoie sa réponse. Puis là, t'es capable de voir la réponse de tout le monde. Puis c'est juste comique, c'est vraiment drôle. Puis après ça, tu peux aussi ajouter un jeton pour doubler tes points. Il te donne des jokers, en fait. Puis tu peux doubler la mise, en fait, pour gagner plus de points, dépendant si tu connais vraiment tes amis ou non. Mais ce n'est pas tout aussi. Mais ce n'est pas tout! Exact! Mais ce n'est si pas vous tout! Dans les prochaines 25 minutes! Mais aussi, tu peux, admettons, à un moment donné, ils disent « Hey, photographie telle personne comme si elle était une police. » Fait que là, toi, tu photographes, ton, moi, je me lève, puis je te prends, Fred, là, je te dis « Ok, fais comme si tu me tirais le gun, tu sais. » Fait que là, je te shoot, là, toi, t'es de même. Puis après ça, nous autres, chacun sur notre téléphone, on dessine justement une grosse moustache à Fred, puis on le met tout croche. Tu peux aussi, si tu veux, mettre des affaires qui ont pas d'allure à dire à radio. Mais c'est ça qui est le fun, c'est que tu peux mettre plein d'insanités, tu peux mettre ce que tu veux. Penis-based humor. Exact. 101. Je visualise le wag, tu sais. Ouais, exact. Moi, je veux quelqu'un qui prenne une photo de sa graine, puis ouais, là, ça apparaît à l'écran en gros. Ça va arriver. On en connaît un qui va faire ça. Mais c'est ça, puis c'est vraiment, vraiment très drôle. Il y a aussi une affaire où il te montre une photo. Puis, la photo est. La toune est parfaite ça pour ça. C'est malade. Puis aussi, à un moment donné, il te montre une photo. Admettons, c'est une photo d'une statue qui crie. Puis là, faut que chacune des personnes se photographie en mimant cette photo-là. ça donne des résultats vraiment drôles. Sinon, c'est ça, c'est vraiment, c'est question-based. Fait qu'ils te posent des questions sur tout le monde. Puis, ils ont basé ça sur des thèmes. Mettons, l'école, le camping, le paranormal, le crime. Plein d'affaires de même. Puis, tu peux aussi toi-même rédiger tes propres questions pendant que tu attends que tes chums aient fini de pisser ou aller chercher une bière. Fait que tu peux comme personnaliser ta partie aussi. Ça, c'est gratuit, je pense. On demande si c'est en français ou si c'est dans le chat, on peut-tu jouer en français à ça? Oui, tu peux jouer. Ben non, c'est ça. Les questions sont toutes en anglais. En anglais, OK. Les questions sont toutes en anglais, sauf que tu peux personnaliser tes questions pour le jouer en français. Sauf que il y a quand même... Tu sais, les questions qui sont posées sont quand même assez relativement simples. Fait que je pense que c'est assez de base quand même. Puis c'est un jeu qui était gratuit sur PlayStation 6 jusqu'à ce soir. C'est ça que j'allais demander parce que je l'ai downloadé justement dans l'espoir de l'essayer. Ben, tu sais, si vous êtes abonné au PlayStation Plus, là, moi je dis, posez-vous pas de questions maintenant. Ouais, là, tu quand t'arrives sur le jeu, ça fait ajouter à la bibliothèque ou add to library. Puis ça va juste l'ajouter puis tu vas pouvoir le downloader à un autre moment donné. Parce que si vous êtes comme moi, ça fait tu l'ajoutes à ta bibliothèque, tu reçois un email pour dire merci d'avoir acheté ce jeu. Là après ça dit ah t'as plus de place ton Dizzur. J'ai aucun de ces jeux là. Exact. Il faut que je connecte un Dizzur externe. Mais c'était écœurant cette affaire là. Les Datsyu dont je parle à soir, ils ont parti une initiative, ça s'appelle PlayLink. Puis ça va être tous des jeux auxquels tu vas pouvoir jouer avec ton téléphone, avec tes amis. Il y en a un autre, c'est Hidden Agenda qui va sortir. Puis ça va être comme un espèce de voyons, Colin, de drame policier. Puis c'est toi et tes amis qui allez choisir soirée, c'est quoi la suite. Soirée de meurtre et mystère. Ouais, on va toujours finir avec des pénis, là, of course. Toujours des pénis. Mais c'est ça. Bref, It's You, là, sérieusement, aller chercher ça, c'est tellement écœurant, là. Moi, j'ai vraiment. Non, vraiment non, ça va être dur que je m'en vais bien. Puis je pense que je l'ai downloadé, mais. J'espère que tu l'as downloadé parce qu'il est 30$, sinon. Oh. Non, mais tu mets la librairie. Ça vaut quand même le 30$, là. Nous autres, on est crampés ben raide. Puis. Quand t'as rien à faire dans le jeu, quand t'attends tes amis ou je sais pas trop, ben tu peux faire des photos. Tu peux tout le temps changer ton avatar. Puis ça, mon gars. Nick survivra pas à ça. Non, c'est fini. Le fun n'arrête jamais prendre des photos de ta face tout croche là. Ta face. Il y a tout le temps du fun. Fait que. Écoute. De ta face. Ah non, j'ai hâte. Moi, je vais l'essayer. Moi, je sais pas si t'avais un autre jeu, Nick, mais moi, je peux terminer avec. Vas-y, termine. Ah, vas-y. Nick est brisé. Ouais, ben, c'est ça. Nick est cassé. Non, jouer. Écoute. Moi, c'est drôle parce que j'ai passé mon été. Ça fait deux mois que je me dis toujours, hey, faut que je retourne jouer à un jeu. Ouais. Si je le garde, je le désinstalle pas sur mon disque dur quand j'essaye de faire rentrer des nouvelles affaires dedans et tout. Ouais. C'est Dark Souls 3. Oh mon dieu. Je l'ai jamais fini. Je me suis pogné ce jeu-là pendant que j'étais un peu comme dans une peine d'amour. Puis là, j'étais comme, hey boy. C'était vraiment. Voyons donc, tu voulais vraiment. C'était être genre triste une bouteille de scotch puis Dark Souls. Puis c'est comme ça, cette peine-là a duré une journée. Tu vas vivre ça comme un homme. Ça l'a battu en place. C'était parfait. Mais non, sérieusement, je m'étais. C'est rough. J'aime tellement ça, ce jeu-là. Mais tu sais, c'est sûr que j'étais peut-être pas top shape pour. Puis là. You died. C'est ça. À toutes les années, il y en a comme un nouveau, il y a un spin-off ou une affaire, tu sais, Bloodborne, Dark Souls 3, tu sais, ça s'est bien enchaîné, Dark Souls 2, ces trois jeux-là. Puis là, il y en a pas eu cette année, fait que là, j'ai un petit peu un craving, fait que tu sais, je me dis toujours, il faudrait que j'y retourne. Puis à toutes les fois, tu sais, je retrouve des raisons pour pas y aller, comme par exemple, j'aime la vie ou ben. Ouais, exact. Et évidemment, tu sais, je retourne jamais, mais j'ai vraiment le goût. À toutes les fois, je me dis toujours, hey, à soir. C'est là. C'est là, tu sais. Mais là, tu te regardes dans le miroir. Hey, d'autant une. Fred, veux-tu vraiment souffrir plus? Ouais, c'est ça, exact. Tu tapotes un peu les joues. Puis, alors, moi, j'aime ça. Mais bref, c'est drôle parce que c'est dans mon backlog pour de vrai parce que je l'ai pas joué encore. JF, rapidement, toi, tu dois être en train de jouer à Steep pas mal. Là. C'est ton jeu pas mal. Ouais, mais c'est pas la période de l'année dans laquelle je joue à Steep. Mais j'ai vu qu'il y avait une autre compétition officielle cette semaine que j'ai manqué parce que j'étais trop occupé. Là. Ben, j'ai une vie, moi aussi, en dehors. Ça a l'air, malheureusement. Mais non, ça arrête plus les DLC de ce jeu-là. C'est malade mental. Ils ont sorti du base jumping, ils ont sorti de la luge, des jetpacks, c'est comme du curling. Ah bah ouais, ça serait cool du curling en montagne, mais non, pour vrai le base jump puis la luge c'est très très cool. Là. Mais tu disais que t'avais le polatouche humain, il faisait déjà partie des. Le polatouche. Non, c'est ça s'en vient, je pense. L'écureuil volant. Ben ouais. Là par défaut, c'est le wingsuit. Ouais, c'est ça. quel nom ben, qu'on appelle le pas la touche. Vous aurez appris quelque chose ce soir, messieurs. C'est, ouais, quelque part, bah, on a appris plusieurs choses, moi, je trouve, à soir quand même, là, sur nous autres, sur nous-mêmes. D'ailleurs, c'est ça. Maintenant, vous savez qu'il ne faut pas jouer à It's You avec Fred. Il ne faut juste pas laisser son sel à Fred. C'est ça. Ouais, c'est ça. Tu reviens chez vous. Ben non. Ben non. Come on. En passant, c'est vrai, quand tu joues à It's You, les photos que tu as prises tout le long de la soirée, elles ne restent pas sur ton téléphone. Fait qu'il faut que tu fasses des photos d'écran des fois. Tu cheats à la Snapchat. Ouais, exactement. Someone took a picture of your picture. Tu sais, quand il parlait des... Juste un mot Snapchat fait rire Nick. Non, mais il fait rire parce que tantôt, quand on expliquait dans le jeu que s'il fallait tu mettre des traps, t'as dit « Ouais, moi, je suis sneaky. » C'est ça, juste dans Snapchat, prendre des screenshots du monde. Moi, c'est à cause de moi que Snapchat a fait faillite, là, ça marche plus. C'est pas les filters de Instagram et de Facebook. C'est ça. C'est genre le monde comme Fred qui snappait les snaps. Ah, tabarnouche. Ouais, bon, ouais, bon, ouais. Snapper des snaps. Le snapper. Fait qu'en tout cas... J'ai entendu ce que Nick a pensé, c'était drôle. Ouais, mais merci. On dira pas ça en onde. Alors, on va taper les battes. Fait que, comme je disais, bref, merci de nous suivre, merci d'être là. On a été en vacances pas mal, puis là, on va être encore un petit peu en vacances, mais c'est comme juste la dernière toi, fois, fait, juste moi, en fait. C'est ça, Chris. Les autres seront même pas en vacances. Damn you! Mais on est sur Facebook, on est quand même très actifs sur Facebook, et merci pour les messages que vous nous envoyez, c'est super apprécié. Puis aussi, je veux rappeler, 21 août, prochain show, ça va être malade, un show Nintendo complet. Toute la gang va être là. Mad, Dominique, Papa Bourret va être là. Puis c'est ça, bref, on a bien hâte de revenir en force. Bien, bien. Puis JF, toi... Ben, continue de nous écouter sur rzoweb.com. Ouais. La plateforme que j'ai fait une belle mise à jour en fin de semaine, j'ai ajouté les likes. Ah ouais? Ouais. Vous pouvez maintenant liker les shows, puis vous avez une section Mon RZO, fait que vous avez juste les podcasts que vous aimez dans cette section-là. OK. Nice. Fait que c'est merveilleux pour c'est ça. C'est cool, là, ça. C'est une affaire que je faisais un bout qui traînait, que j'ai batté, là. Puis cette semaine, en primaire, ici à Rétro Nouveau, les playlists seront disponibles bientôt. Ah ouais. Ouais? Fin de la semaine, début de la semaine prochaine, là. Ça risque d'être probablement les prochaines features, puis... J'en ai une autre après ça, une grosse qui s'en vient, qui va vraiment révolutionner.